Dis, Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou, Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette, net, net, net, net. Jamais ne trahis ton clan. Bé, fidèle troupeau. Qu'est-ce que tu as dit là? Eh oui, petit babe, qu'est-ce que tu as dit là? Bonjour et bienvenue chez Bibou et Bibounette, le podcast spécial quiz cinéma. Je suis Bibou et je serai votre présentateur et l'arbitre de cette rencontre des champions. Nous sommes ici présents dans le Mathieu Gallet Stadium pour voir s'affronter 4 athlètes cinéphiles. Que dis-je, 4 cinéphiles? Le public est en folie, le stress et la pression sont palpables. Qui de ces deux équipes aura le privilège de la victoire et repartira avec la prestigieuse Durantal Cup? Attendez, attendez, la première équipe vient d'arriver et monte sur le ring. Ils sont magnifiques. Ils viennent de se placer dans le coin gauche du ring. Le premier combattant, podcasteur aguerri, est tout droit venu du pays de la flamencuche et du bake-off. Il est accompagné de son coéquipier, le deuxième combattant, lui venu du pays de la pouliatine. Ils sont passés le test de la pesée avec succès. J'accueille avec moi l'équipe Corleone, Draven et Akadalas. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, super. Ouais, tu sais, moi, quand on m'invite pour foutre la honte à quelqu'un qui vient du Bas-Rhin, je suis toujours partant. Oh là, ça commence très fort. Ouais, okay. Facile. Ok. Akadalas? Oui, ça va très bien, très bien. Ouais. Content de vous revoir, les amis. Eh bah oui, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Ah bah attendez, qui vois-je arriver? Qui vois-je arriver? Ils ont une démarche victorieuse, ils fanfaronnent dans l'allée, c'est absolument incroyable. Ils se placent dans le coin droit du ring. L'équipe des joyeux lurons, les inséparables de la déconne. Je vous présente l'équipe des compères. Bibounette Péremptoire, bonjour. Bonjour. Bonjour, tout vous pimpant. Allez bien? Ah oui, tout pimpant, tout propre. Ça va. Bon, on va gagner. Bah oui, finger in the nose, hein, Pépé. Bibounette, j'espère que tu comptes sur mon érudition cinéphile. Mais bien sûr. Et surtout, tu as ton énorme connaissance cinématographique et musicale. En fait, si tu veux, dans un déménagement, moi, je bois les bières pendant que toi, tu descends les cartons. Non, moi, au déménagement, je suis la personne qui apporte les bières. Donc, tu vois, encore une fois, on serait une très bonne équipe, tu vois. On a la joie de vivre, c'est ce qui compte. C'est ça, on est les compères. Donc voilà, ouais, j'ai un peu chaud, c'était un peu long comme présentation, mais bon, c'était rigolo. Bien joué, belle présentation. Bon, ouais, comme je l'ai demandé avant sur le Mumble, tout le monde va bien, tout le monde a bien révisé son cinéma. Oui, oui. Cool, oui. Tout le monde va très bien. Et avant que j'oublie, Kikrine vous salue tous. Ah bah, bonjour Kikrine. C'est gentil. Ouais. Voilà. Allez, chaud. Allez, chaud. De toute façon, moi je vais faire la peau à celui qui vient du Bas-Rhin là. Ouais. Rien que pour l'honneur de chez moi, tu vois. Bah écoutez, on va lancer la partie. Je vais vous expliquer un petit peu. C'est le Haut-Rhin, moi, pas le Bas-Rhin. Bah justement, moi je vais défendre le Bas-Rhin. Torchon et serviette. Ça commence. La guerre est lancée. Le bas du dos. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la partie et les règles. Donc j'ai préparé 42 questions, 21 questions par équipe, sous forme de QCM. Donc une question, 4 propositions, une bonne réponse. Au milieu de la partie, vers 11 questions du coup chacun, on fera un petit blind test musical. Il y aura 12 chansons à trouver. D'accord. Et là, ça sera une épreuve de rapidité. D'accord. Du free for all, quoi. C'est ça, exactement. Du free for all par équipe. Exactement. On va y arriver, Pépé, tu vas voir. On va les défoncer. C'est peut-être méchant sur le blind test. Ouais, on va les atomiser, leur peut-être. Défoncer Alors, la tronche. Pour avoir écouté ça ce matin, ça va aller très, très, très vite. Ah ouais. Ouais. Curieux de voir ça. Carrément. En ce qui concerne les questions, vous aurez le droit à 3 jokers. Aha. Donc là, j'ai repris un joker que j'avais déjà fait dans les quiz précédents. Le 50-50 qui enlèvera 2 mauvaises réponses. Donc vous avez le droit de le faire une fois pendant la partie. Une fois par équipe. Ouais, exactement. Ouais, une fois par équipe. Ouais. Et 2 jokers que j'ai appelé le joker fair play, qui vous permet à tout moment de demander l'avis à un combattant adverse. par exemple. On en a deux. Ouais, deux fois. Par exemple, donc. L'équipe Corleone, vous pouvez demander une fois son avis à péremptoire, une fois son avis à Bibounette. Ça ne veut pas dire qu'on va donner la bonne réponse. En sachant exactement que l'équipe adverse a le droit de mentir et de vous induire en erreur. C'est quoi ces conneries? C'est alors, bon, le but, ça. C'est de juste mettre une sale ambiance, en fait. Hein. Ouais. Ah, mais tu fais bien de le dire, parce que moi, tout bébête que je suis, j'aurais dit oui, bah, je pense sincèrement que c'est ça. Non, non, Pépé, on ne dit pas les bonnes réponses. D'accord. Ou bien maintenant qu'ils savent qu'on va leur donner les mauvaises réponses, on va leur donner les bonnes réponses. Je ne vais pas vous mentir, le but c'est de savoir vraiment et de prouver à tout le monde si vous êtes vraiment des belles personnes ou des mauvaises personnes. Ah, voilà. C'est là que ça se joue. C'est ça. Ouais. Donc en fait, on va aussi avoir un petit badge Marion Cotillard. Exactement, oui, tu sais que je vais le faire. Ça, c'est trop bien. Je vais finir par en faire, hein, tu sais. Avec marqué, vous êtes de belles personnes. À Podren l'année prochaine, je vais pas venir avec des badges bipounettes, je vais venir avec des badges, vous êtes des belles personnes. D'accord, ok. Bon, les règles, c'est bon pour tout le monde ? Oui. Ouais. D'accord, ok. Ah, et puis nous, on est les compères. Ça, c'est bien, ça. Les compères et l'équipe Corleone. Les Corleone, waouh. Nous, on est des tueurs. Bah, exactement. Ouais. C'est ce que j'allais dire, Yannick. Ça va le faire. Santé, mon compère. Hein. Moi, j'ai ouvert ma petite vice. Ah, bah tiens, c'est santé. Bière, on va tous trinquer. Ah oui, santé. Ouais. Santé, les amis. Santé. Ouais, pas de chez Bibou et Bibounette sans bière. Quoi. Bah non, évidemment que non. Évidemment que non. Ok. Eh ben écoutez, je vous propose de commencer par l'équipe Corleone pour la première question. Bien sûr. Ok, très bien. Alors, première question pour l'équipe Corleone. Dans le film Le Parrain, quel est le vrai nom de famille de Vito Corleone, interprété par Marlon Brando ? Est-ce que c'est Vito Puzzo, Vito Andolini, Vito Barzini ou Vito Fanucci ? On peut pas répondre, nous, l'équipe compère. Non. Merde. Non, non, non. Est-ce que vous voulez que je répète les réponses ? Alors, avec joie. Alors, Vito Puzzo, Vito Andolini, Vito Barzini ou Vito Fanucci ? J'ai pas revu Les Parrains depuis une éternité. J'en ai aucune idée. Tu vois, Yannick, pense pas que ce ça soit va pas Puzzo. Être si facile. Oui, je pense pas que ce soit Puzzo parce que c'est le nom c'est de le l'auteur scénariste. Du livre. Ah, ou, le, oui, ou l'auteur. Et qui est aussi le scénariste. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Alors, dans les trois autres. Aucune idée. Aucune. Est-ce que nous, on peut couper et prendre fort. Le point ouais. Non, non, non, non. C'est bien, je suis content qu'on s'appelle l'équipe Corleone. Ça, fait, là, ça met l'ambiance tout de suite. Ouais. Première question, le parrain. Point, point, point, point. Tu peux nous répéter les ouais. trois sur bien sûr. Alors, est-ce que vous voulez l'accent un petit peu italien ? Ah oui, avec joie. Vito oui, Puzzo. Non, je fais très mal. Vito Andolini, Vito Barzini ou Vito Fanucci ? Je le fais pas si mal que ça, en fait. Ouais, c'est pas mal, en fait. Ouais, malheureusement, il me faudra quand même une réponse. Ça serait le hasard. Ouais, vas-y, Yannick. Je te fais une confiance aveugle. Oui, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Bandolini, celui d'après. Bardini. C'est ça ? Ouais, je dirais celui-là au hasard. Donc vous validez cette réponse ? Bah, ouais. Ouais. Eh bien non, c'était Andolini. Oh merde. Oh la vache. Je suis désolé. Ah, les quatre étaient crédibles. C'est clair. Bah évidemment, ouais. C'est pour ça que je les ai faites comme ça. Ça va, okay. Nous, ça va être pour plus nous. Compliqué ça va être que pour départ. Nous, Pépé. Ça va être pour alors, nous. Pas forcément, Pépé, pas forcément. Ah, ouais. L'équipe des compères, première oui. question. C'est nous. Dans Un flic à la maternelle. Oui. Oh non, les mais les vagins non, et non. les pénis. Non, mais il y a de la triche. Comment ça pourquoi moi j'ai pas. Je pense que Julien a adapté son niveau cinématographique au niveau des personnes. Alors, s'il te plaît. Bah, okay. Pas forcément. Pas non. Tu lui as promis quoi, Fanny, pour avoir des questions faciles? Non, ouais. Rien du tout. Hein. Et, tu sais que je suis complètement mise à l'écart de ce quiz. Ouais, et ouais. Je respecte complètement parce qu'il a fait vraiment un travail de ouf. Et, donc, non, j'ai vraiment respecté son travail. On n'en parle pas. Et. Voilà, tout est caché. C'est vrai, c'est vrai. Donc okay. Je ne suis au courant de rien. Bon, est-ce que je peux poser la question ? Oui, pardon. Oui, oui. T'es vraiment une belle personne, tes quiz sont géniaux. Merci. On n'est qu'à la première question. Alors, je recommence. Dans Un flic à la maternelle, oui. Comment s'appelle le furet de John Kimble, interprété par Arnold Schwarzenegger ? Ah oui, attends. Oui. Est-ce qu'il s'appelle, réponse A, Rettman ? Réponse B, Larry ? Réponse C, Ivan ? Non, c'est là. Ou réponse D, il n'a pas le nom. Il s'appelle Larry. Venez dire bonjour Larry. Qui veut caresser Larry ? Pépé, tu me suis ? Bah, tu dis Larry. Moi déjà, Redman, je dirais non, vu que ouais. c'est le... réalisateur. Voilà. Donc après, ouais, je dirais plus Larry, enfin tout sauf Redman déjà. Ouais. Et si ta première intuition de Larry se confirme, je te suis. Bah ok, Larry. Vous validez Larry ? Ouais. Et non, c'est pas Larry, il n'a pas de nom en fait dans le film. Arrête. Mmh. Attends, mais j'étais persuadée qu'il s'est... Bah si, venez caresser... Venez caresser le furet. Le furet, c'est ça. Ah ouais. D'accord, ok. Bon bah Pépé, je suis désolée. C'est pas grave. Je vais compter. Tu vois, Draven, j'ai pas de préférence. Ah, j'avoue, j'aurais pas su. En plus. Alors effectivement, Pépé, Ivan Reitman étant le réalisateur de film, ça a pu vous induire un petit peu en erreur. Ok. Pépé, désolé. Ça part bien. Pour l'équipe zéro partout. Sur le cinéma, nickel. La classe. On est bon. Bien, ouais. Alors, question 2. Dans Le château de ma mère de Yves Robert. Oh, putain, la classe. Je l'ai pas vu. C'est vrai ? Ah merde. Ouais, non, je l'ai pas vu. Très bon film. Super film. Comment s'appelle le personnage qui donne la clé à la famille Pagnol, leur permettant de traverser les propriétés afin de gagner un temps précieux ? Ok. Est-ce qu'il s'appelle Cassignol ? Est-ce qu'il s'appelle Dominique ? Est-ce qu'il s'appelle Binucci ? Ou est-ce qu'il s'appelle Bouzig ? Bon, la dernière fois que j'ai vu ce film, c'est quand il est sorti au cinéma. D'accord. Ouais. Je n'en ai évidemment donc aucun souvenir. Enfin, pas aussi précis que ça. Alors, ça va être intéressant. Et bah, du coup, c'est moi qui te laisse le choix, là. Ouais, ouais. C'est gentil. De rien. Alors... Si tu te tapes la honte, c'est à que toi. Putain, c'est super. Tout ça. Et Alors, il y avait quoi ? Cassignol, Bousini ? Merde. Alors, excuse-moi, il y a Cassignol, Dominique, Binucci ou Bouzig. Bouzig, voilà. Je crois que je sais. Moi aussi, je sais celui-là. Et pour de vrai, hein, Pépé. Je sais pas, j'ai envie de tenter Cassignol. Sans conviction. Sans grande conviction. Non. J'en sais rien. Mais Cassignol, allez. Tu valides ça ? Ouais. Et non, c'était Bouzig. Bien sûr. Elle s'appelle Bouzig. Cassignol, c'est la famille avec la petite fille qui fait du piano. Peut-être, je ne sais pas. C'est la famille Cassignol. Je ne sais plus, peut-être que je l'ai inventé, je ne sais plus du tout. Ouais. Donc Bouzig qui est interprété par Philippe Huchon. Oh, bien sûr. Bien sûr, oui. Ce quiz, ce quiz commence très bien. Donc vous n'avez même pas de points. Deuxième question. Pour l'avoir vu tous les ans pendant les périodes collège, à l'école, tout ça, c'était resté. Ah, et donc Cassignol, c'est ça ? Toi, Pépé, tu voyais très bien quoi. Bah ça et Billy Elliot tous les ans au collège, donc forcément. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, et donc du coup, Cassignol, Pépé, c'est bien ça ? C'est la famille qui joue du piano ? Ça, je ne sais plus. Ah bah voilà. Encore ça pour ça. Okay. Alors, il y avait Cobalt sur le Mumble qui disait « Il s'appelle Fouras car c'est lui le maître des clés. » Ah oui, ça se tient. Oui, ça se tient. Merci à Cobalt. Alors, bah, ça commence très bien cette émission. Oui. Zéro partout. On va passer à la deuxième question des compères. Oui. Ah. Dans Eyes Wide Shut de Kubrick, il faut pour rentrer dans le manoir où il se passe ce qu'il se passe, un costume, un masque et un mot de passe. Mais quel est ce mot de passe ? Oh putain. Est-ce que c'est Fidelio ? Est-ce que c'est Sonato ? Est-ce que c'est Figaro ? Ou est-ce que c'est Partuzo ? Bah logiquement ça devrait être le dernier Partuzo. Non. Non mais justement ça parle de la fidélité donc c'est Fidelio. Pépé tu l'as vu ou pas Eyes Wide Shut? Non je l'ai pas vu. Ok bah c'est Fidelio. Et tu valides? Ouais je valide Fidelio sans c'est hésiter. Effectivement le premier point à l'équipe des compères c'est bien Fidelio. Oh. Fidelio qui... Ouais c'est bon c'était facile. Tu veux un mouchoir ou pas ? Je te remets non, le... Non, ça... garde-le pour toi, précieusement. Hein. Il va bien te servir, t'inquiète pas. Donc Fidelio, qui est le nom de l'unique opéra de Beethoven. Voilà. Ah ouais. Voilà. Cool. Je suis content de le savoir. Eh bah, Pépé, voilà. Premier point, t'as vu ? Ouais, bravo. Arrêtez. Ouais, on fait la petite danse de la victoire. Pas, non, c'est bon. Danse de la victoire. Ouh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On passe. Alors, je suis en train de me rendre compte que mes premières questions sont un petit peu balèzes. Ça va se calmer un petit peu après, vous inquiétez pas. Ah, ouais, ouais. Ok. C'est bien. Donc on n'arrive pas dans le cinéma estonien des années 20. Non, évidemment. Il y en a une ou deux, Yannick, pour te faire plaisir. C'est gentil. Alors, question numéro 3 pour l'équipe Corleone. Dans 12 hommes en colère de Sindel Lumet. Oh non, ça je le sais. Quel est le numéro de juré de Monsieur Davis, interprété par Henri Fonda? Est-ce que c'est le numéro 1, le Bonne numéro chance. 8, le numéro 11 ou le numéro 12? Bonne chance. Bien sûr. Ok. C'est donc un quiz spécial, film que j'ai pas vu depuis 20 ans, voire quand j'étais enfant, en fait. Jusque-là, c'est que ça. Émission pour montrer que Draven, au final, n'y connaît pas forcément tout au cinéma. Je suis désolé. Non, c'est une bonne question. Oui. Puis alors, moi qui n'ai pas la mémoire des chiffres déjà de base, alors là... Alors, c'est un film que tu n'as pas vu depuis très très longtemps, c'est ça? Ouais. Ah ouais, clairement, ouais. Yannick, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu plusieurs fois, j'adore, c'est un film, c'est pas un film qui est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps pour rien. Ouais, J'hésite entre 8 et 12. Ah, toi t'as une idée déjà. Je me demande, si, parce qu'ils sont 13, ils sont 13 jurés, et je crois que c'est l'avant-dernier. Ouais, je crois que c'est 12, juré numéro 12. Ah, je mettrai une petite pièce là-dessus. Ouais, moi je suis d'accord, complet. Parce que je me souviens. J'en ai aucune idée. Vous êtes complètement d'accord tous les deux, oui. Et vous validez en accord tous les deux. Oui. Oui. Oui. Et bah c'était le numéro 8, je suis désolé. C'est trop dur, non mais laisse tomber. C'est mort. On a aucune chance. C'est vrai que cette question elle était particulièrement balèze. Ouais, c'est une des premières que j'ai. Non, mais je vous dis, je me suis vraiment détendu un petit peu après. Ouais. Ah, okay. Moi j'aurais joué ça à pile ou face. J'avais une vague idée parce que dans un ancien quiz pour vous, j'avais fait une question sur 12 hommes en colère, sur le principe de 12 hommes oui, en colère. Oui, tout à fait. Ah, et tu l'avais enlevé au dernier moment, c'est ça? Non, c'était une question sur les séries qui reprennent le concept de 12 hommes en colère comme Monk, tout ça. D'accord. Alors, bah écoutez, on va passer à la troisième question pour l'équipe Les Compères. Tout à fait. Qui ont déjà un point, je tiens à le rappeler. Voilà, parce que c'est bien de rappeler les points de temps en temps, au cas où, pour les auditeurs et auditrices. Profite, Fanny, profite. T'inquiète, je le ferai de mon côté, Bipounette. Ne te cherche pas de... Ouais. Alors, dans Docteur Follamour de Stanley Kubrick, ouais. Combien de personnages interprète Peter Sellers dans le film? Est-ce qu'il interprète 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages ou 5 personnages? Moi, je me suis arrêtée à 4 en comptant. Pépé, tu l'as vu ou pas? Moi, je dirais 3 ou 4. Ouais, moi, j'étais en train de compter, je me suis arrêtée à 4. Ah, putain. Je dirais 3 ou 4. Et t'as proposé quoi? Alors, 2, 3... 4 ou 5 ? 2, 3, 4 ou 5 ? 2, alors dans mes souvenirs, 2, c'est pas ça. Non, ça c'est... 5, ça fait beaucoup. Non, mais c'est... Moi, j'en ai compté 4. Toi, t'as dit 3 ou 4 ? Bah, viens, on prend... Vas-y, tu choisis, Pépé, tu choisis. Je dirais 3. Moi, je suis Pépé, je suis d'accord avec Péremptoire. Alors, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, mais dans ma tête, je vois à peu près... En fait, j'en vois 2 sur, donc un troisième. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a plus que 2, mais ouais, je dirais 3. Ouais. Moi, je te suis, même si vraiment, je pense 4, mais je te suis, parce que j'ai dit l'autre avant avec Larry, et tu m'as suivi, donc je te suis. Vous validez 3. On va se péter la gueule. Oui. Vous validez 3, et c'est une très bonne réponse. Ouais, il y a vraiment 3 personnages. Non. Si. Il y a triche. 2. Non. En plus, c'est un film qu'on a vu il y a très très longtemps avec Fanny. Ouais, moi je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais. Bah oui, bah avec toi la dernière fois. Ouais. Donc en fait, il interprète 3 personnages, le colonel Lionel Mandrake, le président Meufflet et bah, évidemment Docteur Follamour. Je suis partie sur un quatrième encore, moi. Bah ouais, moi j'aurais dit 4 en fait. Ouais, tu aurais pu faire exactement la même question avec la famille Folding. Exactement. Ah, ouais. Mais c'est pas le même niveau hein, cinématographique. C'est pas loin. Ok. L'insulte à Stanley Kubrick. Donc, oui, on est bien. Il faut que je note les points de mon côté aussi. Moi. Alors, il y a 0 pour Jérôme et Yannick et 2 pour les compères. Hein. Au cas où, moi je note aussi. Hein. Je vois une note qui est devant moi qui est accrochée à son stylo. Waouh. Ouais. J'ai que ça à faire. Je suis désolé. Hein, non, mais ça va se détendre vraiment, je vous promets. Ok. Et je vous rappelle que. Dirait moi quand j'essaie de justifier la difficulté. C'est clair. Non, mais c'est un peu dur. Mais bon, normal, ça va aller. Hein. Et vous savez que c'est très dur de jauger un petit peu la difficulté d'une question qu'on est dans, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Oh que oui. Ouais. Oui. C'est dur. Bon, je rappelle à tout le monde que vous avez encore vos trois jokers. Ce serait peut-être dommage de les utiliser maintenant, mais... Oui, il faut utiliser le fair play, hein, Jérôme et Yannick, au cas où. Hein, on est là pour vous aider. Clin d'œil. Alors, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez demander à l'équipe adverse si elle pense avoir la réponse ou pas. Hein. Ça ne me pose pas de problème. Mm-hmm. Tant que vous ne validez pas le fair play, moi, ça me va. Ouais. OK. Mm-hmm. OK, OK. Alors, question numéro 4 pour l'équipe Corleone. À la fin du film The Shining. Là, on discute. On discute. On peut apercevoir Jack Torrance, interprété par Jack Nicholson, au milieu de tous les clients dans une vieille photo de l'hôtel Overlook. Ouais. Mais de quand date-t-elle ? Oh, putain. Oh, l'ascenseur émotionnel. Shining. Oh, trop bien, Shining. Date, ouais. Non, ah, de quand date la photo ? Ouais. Alors, je vais donner quatre propositions quand même. Est-ce qu'elle date de 1911, 1920, 1921 ou 1929? Je crois que c'est 21 parce que ça me dit quelque chose d'avoir vu passer ça il y a quelques mois. Et genre, c'était le centenaire de la photo, un truc c'est comme ça. Ça. Donc, il me 2021. Semble. 2021. Ouais. Mais c'était peut-être l'année dernière. C'est ça. Oui, parce qu'il y a aussi 1920 comme réponse. Ouais. Oui. Comme il y a eu le Covid et qu'on a été confinés, on ne sait plus trop quelle année c'est on ça. Est. Ça se trouve, c'est l'année dernière que tu as vu ça. Arrête. Ouais. Je sais pas, Yannick. Dis quoi ? J'en sais rien. Ah, ok, j'en merci. Sais rien du tout. Non, de rien. Ça se trouve, tu verras la photo que dans 8 ans. Et là, ça marche. Non, je sais pas, je vais rester moi sur ma première idée, je crois, 21, il me semble que c'est ça, il me semble que c'était le centenaire, je suis sûr d'avoir retweeté une connerie comme ça, ouais. Il faut suivre ton intuition. Ouais. Hein. C'était pas la photo de Retour vers le futur. Non, Pépé, le 15 novembre 1965. Pépé, c'est pas bien ce que tu fais. Ouais. T'es vraiment sûr de toi que tu confonds pas avec un autre film où il voyage dans le temps? Ouais, c'est ça. Qui correspondrait mieux à cette réponse? Parce qu'il y a Interstellar aussi qui correspond. Donc bon, 1921. Eh bien, c'est une très bonne réponse. C'était bien 1921. C'est bien, bravo. Merci. Je t'ai fait un petit bâton. C'était chaud. Oui, tu fais le petit bâton. C'est bien. Ah, c'est gentil. Et nous, vous en avez un. Et ouais, c'est bon. Ça va, c'est tout. C'est suffisant. Alors, quatrième question pour les compères. Mm-hmm. Dans Terminator 2. Oui. Oh, mais non. Putain. Oh, non. Non, mais... Ça, c'est pour me faire enrager, c'est sûr. Ouais, mais ça veut rien dire. Regarde les questions. Il va nous demander ce qui est écrit sur la plaque d'immatriculation. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bon courage, ouais. Quelle est la marque des lunettes qu'il porte et tout, La marque de son caleçon, la taille. Mais Draven et Yannick, vous comprenez que je ne pouvais pas vous poser des questions sur Terminator 2. Bah pourquoi pas, moi je vois aucun problème à ça. Bah oui, moi d'accord, oui, au contraire. Problème. D'accord, oui, bah c'est pas ce que j'ai choisi. Bah c'est comme ça. Dans Terminator 2, oui. Quel est le nom de l'hôpital dans lequel est internée Sarah Connor? Oh, mais ah non, oui, mais c'est trop simple. Est-ce que c'est l'hôpital Sacramento, l'hôpital Corona, l'hôpital Pescadero ou l'hôpital Santa Rosa? Bah c'est Pescadero. C'est Pescadero, je dirais. Mm. Et on valide PP1, hein, direct. Bah, a priori, ouais, on est se d'accord. Rejoint, donc. Ouais. On y va? Allez. On valide? On va. Oui, bah c'est une bonne réponse. Ah bah moi, je vais faire un troisième petit aucun bâton. Aucun mérite. Tout le monde sait ça. Tout le monde. T'imagines, on se serait cassé la gueule sur celui-là. Non, c'est vrai que... On aurait pu nous taper dans la rue quand Pescadero, on marche. Pescadero, ça... Ring a bell, comme on dit. Ah ouais. Je suis en train de lire l'autre question, ils vont me détester. Ça. Je me vengerai, Julien, je me vengerai. Je me vengerai. Non, mais je peux vous dire, vous comptez jusqu'à 3, je commence la question, on va entendre Draven râler. Allez, vas-y. Question numéro 5 pour l'équipe Corleone. Dans La Boum. Oh, putain, sérieux. Mais j'étais enfant pour de vrai la dernière fois que j'ai vu ce film, quoi. Rien à foutre. Putain. Dans La Boum de Claude Pinoteau, quel est le nom du personnage principal interprété par Sophie Marceau? Est-ce qu'elle s'appelle Anna, Cassandre, Vicky ou Mélissa? Oh, c'est facile, il passe personne le temps à la télé. Ça. Si. C'est bon. Tout le si, monde sait ça. Je l'ai. Yannick, il l'a, regardé, il est dans ton équipe. Non, je l'ai pas perso. C'est moi, je l'ai. Dis Vic. Ah, mais oui, Dit comme Yannick. Ça, d'un coup, oui. Oui, Yannick. Merci, putain, heureusement que t'es là. Alors, pour de vrai. Oui. petit crush sur Sophie Marceau étant ado. Oh. Ok. Ça se tient, hein. Ouais, ça ne pose pas de problème. Oui. Donc, bah, j'imagine que vous allez dire Vicky. Oui, oui. C'est exactement ça, dit Vic, exactement, dans le film. Ouais. Bonne réponse. Tu vois, bien, Draven, tout va bien. Ouais. Il n'y a qu'à un bâton de nous. Oh. Bibounette, il faut avoir pour l'instant la victoire modeste. Ouais, mais moi, t'es. La défaite encore plus modeste. C'est vrai. Exactement, péremptoire. Non, mais j'ai la défaite modeste aussi. Hein. Non. Mais j'aime bien. C'est fou. J'aime bien dire que je vais gagner. J'aime bien. Ça m'encourage. Alors, cinquième question pour les compères. Alors. Quelle est la profession de Jacqueline Maillan dans Papy fait de la résistance ? Oh là ! Oh putain ! Est-ce qu'elle est directrice d'un opéra, secrétaire du ministère de l'Intérieur, gouvernante ou cantatrice ? Alors, Jacqueline Maillan dans Papy fait de la résistance. Les deux premières, c'est quoi ? Alors, je vais les répéter. Hein. Directrice d'un opéra, secrétaire du ministère de l'Intérieur, gouvernante ou cantatrice ? Alors là, je sèche. Hein. Déjà, dans ma tête, je sais plus qui c'est, Jacqueline Maillan. C'est la femme qui les aide à partir pour se cacher. Mmh. C'est la femme qui les aide à aller se cacher après. J'hésite entre cantatrice et secrétaire, machin, là. J'aurais dit les deux. Mmh. J'aurais dit quelque chose comme ça. Cantatrice, pourquoi pas. Ouais. On fait un joker ou pas? Bah, souci, c'est que si on fait un 50-50, ouais, voilà. Il va garder. Moi, faire je un fair sais. Play avec les deux d'en tu face. Tu peux me demander, moi je le sais. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'on fait, Pépé? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, après, moi je suis joueur. Hein, donc, bah, moi aussi. Comme vous voulez, on est à la cinquième question sur 21 questions chacun. On a le temps de temporiser un petit peu. C'est ça. Mmh. Les laisser reprendre l'avantage. C'est vrai. Après, on fait un petit tête. Joker alors. Ah, tu veux faire un joker moi, ou non, viens, on choisit là. Moi je suis chaud pour. On choisit là. Ouais. Ah, moi je dirais bien cantatrice. Eh ben tu sais quoi, moi je te suis. On valide, cantatrice. On va valider cantatrice. Ouais. Ok, bah c'est une très bonne réponse. Oh putain. check chouchou, check. Et Dallas, tu savais du coup ou pas? Absolument pas, c'était du bluff. Ah, c'était du bluff. Oh là là, oui, moi, il bluff Martini. Il voulait qu'on utilise notre joker. Ah bien joué, je te on voyais lui demande pas et qu'il ça, nous dise je ne sais pas. Ouais. Là, et t'imagines, nous aurait dit cantatrice, on aurait suivi, ça aurait confirmé nos trucs et en fin de compte, il aurait eu bien les nerfs là, Yannick. Oui, parce que Yannick, t'avais prévu de répondre quoi en fait? En fait, j'aurais prévu de te demander de répéter pour leur mettre un peu les... pour leur faire peur. D'accord. Ah, okay. Là, il est dans le mind game. Mm. Alors, on passe à la question 6, ça vous va? Ah oui. Allez. Ouais. Puis, quitte à me faire détester, je suis plus à ça près. À la fin, à la fin du film Babe. Oh non. Ah. Il l'a dit plein de fois, regardez Babe. Ah non, mais là, j'avais prévu beaucoup de fois. À la fin du film Babe, et pendant cette incroyable scène d'une tension extrême, combien de moutons Babe, ce petit cochon devenu berger, parvient-il à faire rentrer dans l'enclos? Est-ce qu'il en fait rentrer 4, 6, 8 ou 10? Donc. Mais même dans le Babecast, ils n'ont pas cette réponse. Alors arrête. Il n'existe pas encore Babecast, Pépé. Ne le chauffez pas, il va vraiment le faire en plus, le podcast sur Babe. Ben tiens, là je pourrais peut-être le voir, alors finalement, ça me donnera une occasion. Parce que histoire que tout le monde comprenne dans notre auditoire, je n'ai jamais vu ce film. Et ils m'ont chauffé avec ça, putain, depuis plusieurs semaines. Ils ont dit, ah, il y aura des questions sur Babe. Je dis, oh, sérieux. Vous êtes sérieux, un petit cochon qui parle. T'aurais regardé le film, t'aurais pas eu la réponse non plus, je pense, vu que c'est un détail, micro-détail anecdotique. Ah ouais. Je pense. Quoique, c'est quand même une grosse scène palpitante du film. Ah bon? Ouais. Il y a une tension à la fin. Oui. Ah ouais, quand même, ouais. Dans Babe. Oui, dans Babe, ouais. Oui. Alors, oui. Je répète les propositions. 4, 6, 8 ou 10. Yannick, quand même, tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. Je l'ai vu avec mon ch'ti il y a quelque temps, déjà. Ah. 4, 6, 8 ou 10. 10, ça me semble beaucoup. 6 ou 8. Alors, j'essaye de revoir l'image pour compter les moutons. J'essaie de pas m'endormir. Ne t'endors pas non plus. On en est là. Reste avec nous. Alors, je vais pas... On fait un 50-50, Jérôme ? Ah oui, oui, je te suis. Parce que là, j'hésite entre de deux. Problème. Je vais pas lui dire lesquels pour ouais, qu'il ouais. me... Bah, ouais. J'hésite entre deux. Eh, hey, Pépé, t'as vu, ils utilisent un joker. Ouais. On est à combien ? On est à la sixième question sur 21. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut. Moi, on peut. Pas de souci avec ça. Ouais. Ouais. Allez, 50-50, Julien, s'il te plaît. Vous faites un 50-50 ? Ok. Mmh. Alors, j'enlève 4 et 10. Il vous reste 6 et 8. Oh la vache, c'est les c'était deux. Sûr ! Oh, c'était sûr ! Oh. Mais en même temps, il fallait pas me dire ça avant. J'hésite entre ça et ça et 50-50. Tu peux c'est utiliser moche, un petit fair play, hein. Moi je connais la réponse si tu veux. C'est moche, je sais que c'est moche. C'est moche ce que tu fais, Julien, oui, c'est je ce sais. Que je voulais dire. Vraiment. Oh, le quiz cinéphile avec le nombre de. Je dirais 6. C'est clair. Incroyable. La honte. Je dirais 6. Vous okay, moi je soutiens Yannick, quoi qu'il arrive. Okay. Non, sans alors, déconner. Ce sera 8 bien sûr, mais on va valider. Bah prends 8 alors si tu sais que ça va bah être. Non, parce que si je dis 8 et que c'est 6, ça va être pire. Donc non, faut rester, sur la... faut rester sur la première idée. Bien vu. Vous restez sur 6 alors mmh. C'est une très bonne réponse. Ah, il, fait... Ah, ouais. Il fait rentrer 6 petits moutons dans l'enclos. Bravo Yannick. Oui. À tout jamais dans mon cœur. Alors... Oh. Vraiment. Tu es quelqu'un de grand. Contrairement à Julien. Parce que tu as su le nombre de moutons. Ah, l'ami, moi j'assume, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Je me vengerai, Julien. Je te jure que je me vengerai. T'as déjà vu les pubs Orangina Rouge quand je tu étais plus jeune ? Ah, oui, c'est pareil. Oui. Et pourquoi es-tu si méchant ? Parce que. Alors, mais moi je suis qu'un arbitre. Hein. Je suis impartial, ouais, ouais. Je suis pas là. Ouais, pour... ouais. Ouais, j'aime bien le ouais, ouais. Le plaisir sadique de celui qui a préparé les pires questions. Les... Ah, ouais. Je vais pas te mentir, je me suis amusé. Ouais. Mm-hmm. J'espère. Oui. Ouais. Alors, question okay. numéro 6 pour les compères. Ouais. Au début du film Babe. Oui. Ouais, c'est tiens. Bien fait. Pour quelle raison Babe se retrouve dans la ferme de Arthur Hoggett ? Tout à fait. Est-ce qu'il est retrouvé dans la forêt ? Est-ce qu'il est acheté à l'abattoir McLogan ? Est-ce qu'il est gagné lors d'une foire ? Ou est-ce qu'il est récupéré dans un panier qui flottait dans la rivière voisine ? Oh, ce serait trop mignon pour putain, commencer, Moïse, Babe. Mmh. Ouais, à version Moïse. Moïse, le cochon devenu berger. Non, ouais. Mais il est gagné dans une foire. Ouais, facile. C'est ça, hein, Pépé ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Je l'ai jamais vu. J'ai déjà vu mais, ce film oui, quand j'étais petit. Mais non, non, je... Bah, il est gagné dans une foire. Ouais. Et bah, je te suis. Parce que... Vous avez un problème avec ce film ou je comprends pas ? Non, non, mais disons que... Pourquoi ça c'est à la bataille devenir quoi. Un fétichisme. Non, il a un été gagné dans bizarre, une mais... foire. Qu'est-ce qu'on fait, Pépé ? Je te suis, Bibounette. Oh, j'ai pas envie d'abîmer un joker. Tu peux me demander, non, non, moi si, je connais si la tu... réponse. Ouais, nanana. Si tu le sens bien, vas-y, vas-y. Bah non, je le sens pas. Ah bah... Il me fait des gros yeux là. Il pas me du tout, je fais rien. Je savais que ça trichait, putain. Non, non, non, non. Non, mais il me fait des. Je sais pas. Il me fait des signes, il me fait. Je sais pas. Non, il me fait des googly eyes là, tu sais. Ah oui. Voilà. Ah oui, je vois très bien. Ça triche, c'est ce que je dis. Ah non, ça triche pas. On n'est pas de ça chez nous. Le premier, c'était quoi ? Alors, retrouver dans la forêt. Non, c'est pas ça. Acheter à l'abattoir, gagner pendant une foire ou récupérer dans un panier qui flottait dans une rivière. Ah, je reste sur gagner pendant une foire. J'arrive pas. Gagner. Vous restez là-dessus. Vu l'imagerie du film, ça me semblerait cohérent. Mmh. Ok. Ouais. Allez, on valide la foire. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Bah voilà. Oh, merde. 5 points. On vous devance encore grâce à une question sur Babe. C'est assez incroyable. Sans joker. C'est bon. Oh putain, je suis en train de voir l'autre question. Ah, le quiz se passe plutôt bien pour l'instant, je suis assez content. Oui, très bien. Très très bien. On adore. En fait, à part les questions, à part les films avec Schwarzenegger, c'est que des films que j'ai pas vus depuis 30 ans ou que j'ai jamais vus. C'est très facile, ça se passe super bien. Bon, bah, merci, c'est cool. Bah, n'empêche que Julien, il a réussi à trouver des films que t'as pas vus. Oui, bah il le savait pour Babe en même temps. Non, mais tous les autres. Je parle de toutes les autres bah, questions. Ouais, ouais, ouais, je sais, mais en fait, c'est ça. C'est... Il a réécouté tous les 24 FPS. On j'ai dû le dire à un moment. Oui. Voilà. C'est ça. Alors, bah, vous êtes prêts pour la septième question ? Ouais. Équipe Corleone. dans Le Dîner de cons. Oh putain, pourquoi du cinéma français tout le temps? J'ai pas posé la question, mais tu vas, oui, vas me détester encore plus. Ah oui, merci. Quel est le match de foot qui passe le soir du film? Non, mais non. Alors, est-ce que c'est Auxerre contre Bordeaux, Auxerre contre Marseille, Toulouse contre Rennes ou Toulouse contre Strasbourg? Mais putain, mais qui c'est ça? Non mais ouais, ok. Je suis content d'être venu. On va le réhabiliter, mais on va faire non. Non, je peux pas. J'ai aquaponé. Donc pareil, hein, 20 ans que j'ai pas vu ce film comme d'hab, comme les autres. Donc je ne sais pas. Tu peux répéter les deux matchs avec Auxerre, s'il te plaît? Alors, Auxerre contre Bordeaux ou Auxerre contre Marseille? Ça m'énerve. Je crois que c'est Auxerre-Marseille. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Yannick. On ne sait pas. Si tu utilises un joker perpé, on pourra te le dire. La déstabilisation de fou. Je crois qu'il y a Auxerre. Et en plus, ça correspond à la période où Auxerre marchait bien. Tu me fais confiance, Jérôme? Ah, complet. Ouais. Voilà. Bon, je dirais Auxerre-Marseille. Et tu valides? Oui. C'est une très bonne réponse. C'est un balèze. Marseille. Génial. Franchement, assurage. Assurage. Ah, mais complet. Et en fait, il me semble que si on se rappelle quelques répliques du film, on peut se rappeler de... Ah, les Auxerre. Ah, ouais. Les Auxerre. Ouais. J'étais sûr qu'il y avait Auxerre, mais après le deuxième... Je me souvenais même pas qu'il y avait un match de foot. Le côté connu de l'équipe. Bah en fait, le mec qu'ils vont chercher après, qui est inspecteur des impôts, lui, il est pour Marseille. Et du coup, ils se prennent à moitié la tête pendant le match de foot. Ouais. Daniel Prévost, oui. Ok. Ouais. Auxerre, j'aime pas trop les films français, mais je suis fan de Villeray. Ouais. Auxerre, je m'en souvenais parce que c'est pas loin de chez moi. Et j'ai souvent été à Auxerre voir des matchs. Et puis après, effectivement, Marseille, oui, ça me semblait logique. Un gros match, une grosse affiche en couille. Ouf. T'as eu chaud, Draven, là, t'as eu chaud. Pourquoi moi? Mais j'avoue, oui. J'ai un peu transpiré, là. Non, mais ça, c'est bien, je suis content. Bon, en tout cas, vous êtes repassé à 4 points contre 5 points pour les compères. Ouais, facile. Ça s'équilibre un petit peu. Ouais. Et nous, on a 2 jokers, enfin 3 jokers, et il leur reste 2 jokers. C'est vrai. C'est vrai. Non, il faut tout dire. Oui, oui, oui. Oui, ah, oui, c'est bien. Oui, oui. Mais tu le dis beaucoup de fois, en fait. Oui. La déstabilisation. Oui, oui. Alors, vous êtes prêts pour la 16e question, les compères? Tout à fait. Tout à fait. Dans Les Visiteurs. Mais c'est du foutage de gueule. Pourquoi? Pourquoi film que tout le monde a vu 1000 fois, quoi. Alors, j'avoue que celle-là, je dis rien. Bon, dans Les Visiteurs, quel est le cri de guerre de la famille de Montmirail? Non, mais sans déconner. Bah, tu t'en souviens, Pépé? J'ai une idée. Ouais. Alors, est-ce que c'est Montjoie Saint-Denis que je meurs si je péris? Non. Montjoie Saint-Denis que je trépasse si je faiblis? Montjoie Saint-Denis que d'enfer si j'oublie? Pas mal. Montjoie Saint-Denis, vive la famille de Montmirail, youpi. J'aime bien la dernière, moi. Alors, je crois que c'est que je trépasse si je faiblis. Montjoie Saint-Denis que trépasse si je faiblis. Je ferme les yeux et j'entends Jean Reno qui me le dit. Donc... Ah, Montjoie Saint-Denis. Ouais, pareil. Ouais, je dirais que je trépasse si je faiblis. Et on valide. Et vous validez, c'est une très bonne réponse. Évidemment. Nanana. Ouais. Ah, chacun son film français. Et ouais. Voilà. Ouais, mais enfin. Ouais. Et chacun sa question sur Babe. Ouais. Okay. Ouais. Non, mais les auditeurs seront jugés. Oui. De l'impartialité. Oui, Jean-Jacques Bourdin. Ils vivront sur pièce. Je suis contente que Jean-Jacques soit là cet après-midi avec nous. Jean-Jacques Bourdin. Ouais. Non, on aura des questions sur Retour vers le futur, Die Hard, SOS Fantôme. Ouais. Bah oui, j'espère. J'attends. La coccinelle à Mexico. Oh, putain. OSS 117. Allez. Alors, question numéro 8. Facile. Pour Corleone. Ouais. Facile. Comme tu dis. Dans le film Demolition Man. L'autre, je l'ai pas vu. Ouais, non. Pareil, putain, j'ai eu peur pendant 2 secondes. La fausse joie, tu sais, d'un coup, je me suis dit, oh putain, trop bien. Ah, non. Ok. Donc, dans le film Demolition Man, dont l'action se passe en 96. En quelle année John Spartan et Simon Phoenix sortent d'hibernation du cryo-pénitencier? Est-ce qu'ils sortent en 2022, 2032 2044 ou 2054. Waouh. Cette passion pour les chiffres. Ah oui, c'est vrai, ouais, je suis en train de me rendre compte. Moi qui n'ai pas du tout la mémoire des chiffres. C'est une catastrophe. Peux-tu répéter ? Évidemment. Alors 2022, 2032, 2044 ou 2054 ? 54, ça me semble trop loin parce qu'il... Ça paraît un peu loin. Ouais, il retrouve un flic avec qui qu'il avait connu avant d'être... Ah oui, voilà. Mais oui, mais c'est plus vrai. Ouais. Donc 54, ça me semble trop loin. Mmh. 22, donc 96, ça ferait 26 ans, ça me semble trop juste. Après, c'est quoi ? C'est 32 et... 32 et 44. 32. Ouais, c'est vrai que c'est nos meilleurs candidats. Mmh. 44, ça me semble beaucoup. Ouais, hein. Je suis en train de me dire la même chose. Parce effectivement, que si le flic, il avait 20 ans, ouais, ça fait 44, et si ça ferait 50 ans, ça ferait 70 ans, et puis il n'avait pas 20 ans. Ouais, je dirais 32, l'autre me semble trop éloigné. Mais ouais, par déduction. Je me base sur la même chose que toi, effectivement, il y a ce flic qui retrouve, et... Ouais, bien vu, ouais. Je te suis. Bon, ouais, calcul, Yannick, en tout cas. Hein. Joli calcul. Ouais, c'est clair, bien joué. Déduction, ouais. Donc vous validez, j'imagine, non. Oui. Ah oui, c'est une très bonne réponse. Ouais, exactement. Yes. 1932. Ouais, effectivement, quand tu te rappelles de cette scène-là, tu fais ce que vous êtes en train de faire et bien joué, bien joué. Ah, bien joué, Yannick, pour le... parce que moi j'aurais répondu au pif. Ah, non, super. Vous auriez pu nous demander aussi. Ben, ouais. On savait. Jamais. Jamais. Ah bah tiens, d'ailleurs, les compères, vous l'aviez ou quoi la bonne réponse ? Non. Non. Enfin, j'avais une idée, une vague idée entre, ouais, mais pas les derniers en tout cas. D'accord. Ouais. Okay. Pas le dernier, sûr. Je sais pas si on aurait fait les mêmes calculs que ça, Yannick. Ouais. Mais... Puis le coup du policier, non, je ne l'avais pas du tout, ouais, de toute façon. Ok, bon, on passe à la huitième question pour les compères. Allez. Ok. Dans le film Brasta Rocket, oui, à combien s'élève le montant de la participation aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary en 1988 ? Ah, les chiffres. Ah, les chiffres et les dates, moi, c'est mon dada. Ah, ouais. Est-ce que ça s'élève à 10 000 $, 20 000 $ 30 000 $ ou 40 000 $? Ah, je vois quand ils font la... Ah, ils recherchent l'argent pour s'inscrire aux Jeux Olympiques et ils ont besoin. Pépé, avant qu'on dise n'importe quel montant, ouais, ça te dit on fait un 50-50? J'ai une idée, donc on peut faire un 50-50. Ok, mais parce que moi aussi, ouais, voilà, moi aussi j'ai une idée, mais je peux pas la dire, sinon ça vaut pas le 50-50. Ouais, allez. On fait un 50-50. Vous pouvez me le dire, ça me dérange pas, moi. Non. Bien sûr. Allez, claquons le 50-50 sur une question sur Rasta Rocket. Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, il vous reste la réponse 10 000 $ ou 20 000 $. Ça va, parce que moi, je pensais 30 000 $. Donc okay, c'est bon. 10 000, je trouve que... Je dirais plus 20 000, ouais, bah ouais, mais juste parce que bah, c'est la seconde réponse. Tu vois, la première réponse, elles ne sont pas adaptées, vu que c'est juste 10 000. Enfin... Je dirais plus B. C'est Calgary, hein, c'est en 88. Je dirais 20 000 $, ça me semble une... Ça paraît une belle somme quand même. Une belle somme. Mmh. Allez, on part sur 20 000. C'est 20 000 une belle dollars. Somme. Ouais. C'est une très belle somme. Et c'est bien 20 000 $, bien joué. Oh, cette chance. C'est ouais, clair, le cul bordé de nouilles, quoi, à chaque fois. Est-ce que vous l'aviez du côté des Corleone ? Oui, bien entendu. Oui, oui. Oui. Oui. On n'a que 2 points d'avance, hein, c'est rien. Oh putain. Tout va bien. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, madame. Ah, oh exact. Ouais. Bien placé. Ah, bon, on va peut-être faire plaisir un petit peu à Draven et à Yannick. Neuvième question pour les Corleone. Dans le film True Lies de James Cameron en 94, Harry Tasker, okay, interprété par Schwarzenegger, pardon, travaille pour une agence américaine d'antiterrorisme. Mais quel est son nom ? Est-ce que c'est le secteur alpha, le secteur bêta, le secteur gamma ou le secteur oméga ? Putain la vache. Mais où il a été trouvé ces questions à la con ? Sur Internet. Comme sur Internet. Monde, monsieur. Comment c'est possible que ça me dise rien du tout ? Tu connais pas True Lies ? T'as jamais vu True Lies ? C'est un très bon film, hein, pourtant. Je l'ai vu au cinéma, madame, quand il est sorti. Et je l'ai revu. La chance. Depuis, deux, trois fois. Ouais, bah oui. Mais je l'ai encore en cassette. Mais apparemment pas assez pour te rappeler du nom. Oui, bah c'est bon, c'est bon. Mais il est toujours pas sorti en Blu-ray pour le voir en haute qualité. Voilà, et ben c'est pour ça, exactement. Oui, mais c'était des méchants. Mais excusez-moi, je vous donne le point et j'annule cette question du coup. Merci. Voilà, bah, c'était facile. Je vais dire ça pour tous les films en fait. Bon, peux-tu répéter les propositions s'il te plaît? Évidemment. Alors, le secteur alpha, le secteur bêta, secteur gamma et secteur oméga. Tic-tac. Oméga, ça claque comme nom. En fait, je me dis exactement la même chose. Je trouve qu'Oméga sonne bien. Les autres, ça fait pas, américain. Moi, ça fait pas James Cameron. Ouais. Non. Ouais. Secteur Alpha, c'est nul. Oui. C'est vrai qu'il faut un truc qui claque quand même. C'est ça. Ouais. C'est ça parce que c'est les premiers, c'est les meilleurs, donc c'est Alpha. J'ai Cobalt sur le Mumble qui me dit que c'est super dur comme question. Bah oui, mais non, il a raison, Cobalt. C'est bien d'accord. Ah, j'aime bien Oméga. Bah, si on a tous les deux le même feeling, on feeling fait ça. Sur Oméga, ouais. Ouais, ouais. Ok. Pépé revient. C'était bien le secteur Oméga. Secteur Oméga, le dernier rempart. Oh. Bah oui, on le savait. Vous le saviez. Ouais. Ils n'ont pas hésité une seule seconde sur la réponse. Ils ont dit tout de suite secteur Oméga, direct. Voilà. Pépé, tu savais, toi? Non. Non, j'ai vu True Lies, mais alors là, le nom de la cellule antiterroriste, non. Et là, le prochain coup que je vais le revoir, je vais être comme dans le même avec Leonardo DiCaprio, en tendant le doigt sur mon canapé. C'est ça, avec c'est ta bière. Avec ma bière. Ouais, tu m'étonnes. C'est quand les questions faciles? Que t'as dit que ça se détendait à un moment. Après le blind test. Mais tu sais qu'il y a pas mal de questions que j'ai dû virer parce que c'était beaucoup trop évident, quoi. Vraiment. Ah la vache. Alors, on est cinéphile ou pas? Oui, bah si, oui, on le prouve là, plein pot. Alors, mine de rien, vous êtes au coude à coude. Hein. On est à 5, 6, 7, à 6. Oui. Ok. C'est bien? Oui. Alors, pas mal. C'est pas mal, oui. Question numéro 9 pour les compères. Dans... Ça va râler, mais c'est pas grave. Dans Last Action Hero de Mais putain! Mais merde! Quel groupe de hard rock fait la musique du film? Merde! Mais putain, j'hallucine complètement. Non, mais c'est pipoté de A à Z. Mais tout le monde sera témoin, les auditeurs seront témoins, par millions. Si la réponse est ACDC, je viens à Rennes et je te botte les fesses, Julien. Ah putain, tu m'étonnes. Ah bah, là, je viens avec. Bah, vas-y, bah, venez tous les deux, aussi. Même pas peur. Hein. Quel célèbre groupe d'hard rock... Non. Alors, écoutez bien la question. Arrête, ils vont me faire une crise d'angoisse, là. Arrête. Alors. Dans Last Action Hero. Dans Last Action Hero. Quel acteur de film d'action célèbre fait un caméo durant l'avant-première du dernier Jack Slater? Est-ce que c'est Stallone? Est-ce que c'est Chuck Norris? Est-ce que c'est Van Damme? Ou est-ce que c'est Jean-Paul Belmondo? Ah, c'est les belles. Ah, je ne sais pas du tout. J'ai très peu de souvenirs de ce film, en vrai. Un scandale. Bah ouais, mais bon. Il y a une scène à la fin du film où on voit un autre acteur de film d'action. Il y a le méchant qui est là, il y a la mort aussi, ils se retrouvent et tout sur le toit, et pendant l'avant-première, et en bas, il y a un acteur. Ça vous dit rien? Alors attends, redis. Bon, pour info, Fanny, il y a un spécialiste de notre côté, si tu veux demander. Oui, n'hésite pas. Ouais, oui, bien sûr. Ah oui, comme ça, hein. Il va me le voler, mon point. Je l'ai. Alors, je vais répéter les propositions. Sylvester Stallone, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme ou Jean-Paul Belmondo. Ah putain, mais si, c'est Van Damme. T'es sûr? Ah putain, je sais pas. Moi, ça me dit absolument. J'ai un doute. Putain, j'hésite entre Van Damme et Stallone. Moi, je dirais, spontanément, je dirais Stallone. Que... Schwarzenegger, Stallone. Je vais me casser la gueule sur la Station Hero, je vais pas m'en remettre, moi. Franchement, j'en sais absolument que dalle. On peut prendre. Moi, je serais assez d'avis de prendre un fair play et puis on juge après ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce que t'en penses? On demande à Draven. Allez, on teste le fair play. C'est très intéressant. Je prends un fair play et je demande à Draven son avis. Ok. Alors, la bonne réponse est. Jean-Claude Van Damme. Ok, merci de nous avoir aiguillés. Merci de cette réponse. Du coup, j'ai envie de dire Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, est-ce qu'on est... Si je peux me permettre, n'oubliez pas qu'il est un petit peu énervé en ce moment. Ouais, il est très énervé. Ouais, mais peut-être qu'il a opéré un principe de... un mindfuck à plusieurs c'est niveaux. C'est ça, genre il sait qu'on... Il sait que je suis énervé, donc du coup, ils savent que je vais donner une mauvaise réponse, donc je vais donner la bonne réponse. Est-ce qu'il serait diabolique? Est-ce qu'il ferait de lui une mauvaise personne, du coup? Tout à fait. Ouais. Alors là, le badge... Ciao. Pépé, on fait quoi? On reste sur Stallone ou on prend Jean-Claude Van Damme? Bah, je sais pas, j'ai envie de changer maintenant. Il a mis le doute et il l'a bien fait en tout cas. Ouais, grave. Mais c'est fait exprès. Mais ouais. Après, JCVD, qu'est-ce qu'il est? Ouais, pourquoi pas. Hein. Il est tellement partout dans ses films des années 90. Ouais. Bah ouais. Ah, vas-y, Pépé, décide. Non, je te laisse choisir, vas-y. Bah moi, j'ai envie de changer, j'ai envie de dire JCVD. Bah, tu sais quoi? Je te suis, vas-y. Bah, je valide. Vous validez Jean-Claude Van Damme? Allez, on valide. Ouais, c'est une très bonne réponse. Oh putain. C'est une très bonne réponse. Merci Draven. Alors, Draven, mais de rien, avec joie. Explique-nous ton cheminement là un petit peu pour les induire en erreur. Eh ben, l'erreur, c'était de dire Jean, pour qu'ils croient que je dise Jean-Paul Belmondo. Belmondo, ok. C'est vrai que j'hésitais avec Belmondo. Non, Belmondo, je savais que non. Mais c'est Van Damme. Mais en fait, il y a les. Mais la question est maligne parce qu'il y a les deux techniquement dans le film. Il y a Stallone et il y a Van Damme. Oui. Mais Stallone, c'est juste un stand-up de Terminator 2 et Van Damme, il est à la fin, à l'avant-première du Jack Setter. Voilà, c'est bien la personne que je vois. Ok. Oui, puis j'avais bien parlé de caméo durant l'avant-première, donc la question était quand même. Okay. Ouais. J'ai fait merci beaucoup en tout cas. Rien. Avec plaisir. C'est incroyable. On sera peut-être conciliant pour le prochain Fair Play. C'est vrai. Ou pas, hein. Oh. Ok, alors question numéro 10 pour l'équipe Corleone. Oui, vous avez raison d'avoir peur. Quelles sont les professions de Bourville et Louis de Funès dans La Grande Vadrouille? Allez, ça suffit, on retourne les tables. Allez, alors, est-ce qu'ils sont électricien et pianiste? Non. Plombier et violoniste? Non. Peintre et chef d'orchestre? Oui. Ou cordonnier et trompettiste? Peintre et chef d'orchestre. Bien entendu. Hein, Yannick? Oh oui. On est d'accord. On revoit Louis de Funès en chef d'orchestre. Oui. Ah oui. Ça, c'est facile. Oui. Magnifique. Donc, vous validez, c'est une très bonne réponse. Oui. Magnifique. Bien joué. Effectivement. Bon, bah, les films français, ça va, finalement. Bah, tu vois, les films français, ça va. Ouais, les films. Alors, le film français qui est passé un milliard de fois à la télé, que tout le monde a vu. Oui. Facile, oui. Ok. Bon, il te reste La Boum à revoir. Il te reste quelques trucs comme ça, mais ça va, sinon. Il te reste La Boum, Babe, un bon week-end en perspective, en fait. Ouais. Le dîner de con. Oui, bah, c'est bon. Mais je vais les mettre sur ma liste, oui. Pas en haut, mais oui. Je vais les mettre. D'accord. En bas, très bas. Ouais, très bas. Alors, question numéro 10 pour les compères. Tout à fait. Quel est le film de Claude Berry dont le chanteur Charles-Élie Couture a écrit la musique? Est-ce que c'est Ciao Pantin, Germinal, Lucie Aubrac ou On connaît la chanson? Le premier, c'était quoi? Ciao Pantin, Germinal, Lucie Aubrac ou On connaît la chanson? Contente de pas l'avoir eu celle-là. Oui, je sais. L'instant, j'aurais dit ciao. Ciao Pantin. Ouais. Après, dans On connaît la chanson. Non, j'ai pas souvenir particulier. Tu connais la chanson, c'est Alain René, je crois. Je crois que c'est Alain René. J'aurais dit ciao Pantin. Enfin, ouais, quand j'ai entendu tout de suite. Bah, on reste sur ciao. Ouais, allez, ouais. Premier. Bah, on valide ciao. Ouais, validé, ciao. Ouais. C'est une très bonne réponse. Oh putain, Pépé, on est trop fort. Ça, c'est pas possible, ils ont jamais faux, quoi. J'ai envie de déchirer mon t-shirt. Grave. C'est ce que vous m'avez offert, donc. Attends, mais j'y crois pas, on est à 9 points, quoi. Vous êtes à 9 points. Ouais. On est à 9 points, tu verras à la fin. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, non. Oh non, les enfants. Oh non. Mais vous êtes cassettes, pleurez pas, ouin ouin, il y a le blind test qui va arriver, vous inquiétez pas. Ah non, c'est pas beau ce qui se passe là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va, Jérôme ? Très bien. Voilà. Je suis super à l'aise. C'est fantastique. Tu passes un bon moment avec de belles personnes. Tu t'attendais à quoi, en fait ? En plus, t'as écouté nos anciens quiz. Donc. Ben oui, oui, c'est vrai. J'aurais dû le voir venir. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir, là ? Un mini poulain ? un truc que j'ai détesté ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un long dimanche de fiançailles. Ouais, mais je l'ai pas vu. Mais ça serait dans le thème, ce serait bien. Dans camping. Oh, mais non, putain, c'est pas vrai. Mais j'ai bien évidemment pas vu. Je sais. C'est Nesquik, la réponse. Dans le ch'ti. Ah, mon Dieu, l'abomination. Oh, putain. Pauvre Bibou qui a fait toutes ces questions. Oh. Non, mais ça va, ça non, me pose ça pas va. De problème. Toi, tu vraiment. Vis bien, toi. Alors, question numéro 11 pour l'équipe Corleone. Mm-hmm. De quel film de Steven Spielberg John Williams n'a pas composé la musique ? Ah bah tiens, tu vois ? Ouch. Alors, il n'a pas composé la musique de Arrête-moi si tu peux, Le Pont des Espions, Le Terminal ou Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne. Bon, c'est pas Tintin. Sûr. Alors, c'était quoi les autres ? Le Terminal ? Ah, je vais les répéter, excuse-moi. Alors, il y avait Arrête-moi si tu peux, Le Pont des Espions, Le Pont des Espions, Le Terminal et Tintin. Qui ne sont pas interprétés par John Williams. Oui, il y a un film là-dedans dont la BO n'a pas été composée par John Williams. Pas interprété par John Williams. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, effectivement. Ah non, ouais. C'est pas évident. Non, c'est pas facile. Et puis évidemment... J'ai honte, mais il y en a deux que j'ai pas vus là dans la sélection, donc ça aide pas. Donc c'est forcément un de ceux que j'ai pas vu. Sinon, ce serait pas dans le thème. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Le thème, c'est les films que Jérôme n'a pas vus. Ouais. Et Yannick, une idée ? Je suis en train d'y réfléchir. Je crois que t'as dit que je suis sur Wikipédia. Je suis en train de faire des recherches Wikipédia, mais j'arrive. Attends, laisse-moi deux secondes. Attends, laisse-moi deux secondes, je réfléchis. Je fais juste clic, clic, clic, clac et j'arrive. Mais le pire, Julien, c'est que c'est une question, quand j'ai fait les questions pour le dernier quiz, okay, j'avais pensé à la faire, celle-là. Ah oui. Et donc, j'ai forcément eu la réponse il y a quelques mois de ça, et je la retrouve plus. C'est horrible. Donc, tu sais dans ta tête. Oui, je l'ai dans ma tête, ouais. Parce que je l'ai cherché quand j'ai fait le thème le sur les compositeurs de musique de film. Ben oui, exact. Mmh. Et je l'ai cherché. J'ai dit, tiens, il y en a un, c'est pas John Williams. Ouais. Je vais faire la question, puis elle est passée à celle-là. Donc, cette question-là, j'allais la faire la dernière fois. On va y aller par déduction. Ouais, c'est pas Tintin. C'est pas Tintin, voilà. Alors, il reste Le Pont des Espions, Le Terminal et... Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, ouais. Putain, j'en sais rien. J'ai rien. Ça me revient pas. Je suis tenté par Le Terminal parce que je l'ai pas vu, mais en vrai, je sais pas trop. Je sais pas pourquoi j'ai le feeling que Le Pont des Espions c'était Williams, mais peut-être pas. Tout ça est très précis. Hein. C'est bon. Ouais, non, j'aime bien cette autodiscussion que tu as avec toi-même qui te fait vachement avancer. On fait de l'audio, j'essaie de vous faire vivre ce qui se passe dans ma tête. On voit que ça avance vachement. Ouais, c'est exactement ça. Tu stagnes. Voilà. Donc, arrête-moi si tu peux, je ne l'ai pas vu. Le Terminal, je ne l'ai pas vu. Et Le Pont des Espions, c'est probablement John Williams qui l'a fait, mais pas sûr du tout. Moi, j'hésite entre Le Terminal et Le Pont des Espions. Arrête-moi si tu peux, je pense que c'est du Williams. Ouais. Okay. Mais alors après, entre les deux, que j'ai pas vu non plus ni l'un ni l'autre. Honte sur moi aussi. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il vous reste deux fair play. Alors voilà, il vous reste deux fair play en sachant que l'équipe adverse a déjà utilisé deux jokers. Je n'ai aucune confiance. Aucune, mais je n'ai aucune. C'est sorti du cœur, ça. Oui. Comment ça vient du cœur, ça ? Je n'ai aucune. Aucune. Et on est qu'à la moitié, on a le temps pour les jokers. Ouais. Juste pour savoir, Pépé, ça te parle un petit peu ? Ça me parle vaguement. Mais d'accord. Je vais pas dire ma pensée tout évidemment. Non, voilà. Non, juste pour savoir si. Ah ouais. J'ai une petite idée. On suit ton idée ? Ouais, sans grande conviction, mais ouais, le terminal alors, hein, ce serait. Ouais. Le terminal. vous validez le terminal ? Mouais. C'est un petit mouais, ça. Eh bien, c'était le pont des espions, je suis désolé. Non, merde. Oui. Dont la BO a été composée par Thomas Newman. Ah, quelle drôle d'idée. Pourquoi Thomas Newman ? Putain. J'hésitais justement entre le pont des espions et le terminal. Ouais, ah, ouais. Bon, tant pis. C'est dur. C'est dur. Ouais. Bon, on n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est un podcast de fin de carrière pour moi. Je suis désolé. En tout cas, sur le cinéma, parce qu'après. Oui, c'est ça. Les gens, ils vont faire, mais en fait, c'était des paroles, tout ça. Mais il y a plein de films qu'il n'a pas vu. Ouais, grave. Non, mais c'était un bon thème. Ouais, les films c'est que bien. J'ai pas vu. Les films que t'as pas vu. Très bonne idée. Je dois avouer que mes questions sont un peu dures. Ouais, oui. À peine. À peine. Oui, ce serait pas rigolo sinon. Mais non, ça dépend pour qui. Juste nul. Est-ce que... Pardon ? Ça dépend pour juste nul. T'excuse pas. T'es... Alors, nous, on n'est pas nul, Pépé. Ouais, attention, attention. Ah non, ça va. L'orchestre, bon. Tout ça, hein, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Le bal, ouais. La Alors, est-ce que ça vous dit de passer à la dernière question avant la pause musicale ? Tout à fait. Question numéro 11 pour les compères. Dans le film Speed de Jeanne de Banque. Putain, mais ça, on s'en déconne. En 1984. L'un des seuls films que j'ai vu trois fois au cinéma dans ma vie, tu vois. C'est quand même dingue. Foutage de gueule complet. Alors, dans le film Speed, si le bus descend en dessous d'une certaine vitesse. Oh, non, mais j'hallucine. Non, mais... Oh, non, ça, je non. Il explose. Mais oui. En dessous de combien ? En dessous de 50 km/h ? 80 km/h, 100 km/h ou 130 km/h. Pépé, je te la laisse, vas-y. 80 km/h, je crois. C'est ça, on valide. Vous validez ? Ah bah oui. Ça va râler, mais c'est une très bonne réponse. Oh. Nanana. Et nous voilà à 10. C'est un scandale. Complet. Franchement, c'est une honte. Absolue. Une parodie de quiz. Oh putain. Ouais, ça moi, va me... aller, ça va oui. aller. Non, ça va. Non, ouais. Ça bien, moi. Moi, je m'amuse plutôt bien aussi, personnellement. Moi, je okay. passe un bon ouais. moment. Ok. Bon, je vais pas vous demander ce que vous avez pensé de la première partie de ce quiz. Fantastique. Fantastique. C'était bien. Un grand moment. Ouais. Yannick, ça va ? Oui. Moi, j'ai bien aimé. Oh, je rumine. Ne t'inquiète pas. Ah, tu m'étonnes. D'accord. Mm. Moi, je trouve que tu as fait des belles questions parce que tu es une belle personne. Merci. Oh la vache. Eh, non. je sais que ça triche à mort. Je tiens à préciser aux auditeurs oui. que Bibou, qui pose les questions, et Bibounette sont, enfin, pas tout à fait sur le même micro, mais enfin, sur le même PC. Moi, je dis, ça cache quelque chose, en mais fait. Ils sont au même endroit, en fait, physiquement. Je ne vois pas le PC. Tu vois le dos du PC, donc tu le vois. Tu vois, tu mens. Alors, il faut savoir que... N'importe quoi. Mais toutes mes questions sont sur des feuilles volantes. Je n'écris voilà, jamais rien sur le PC. Il a ouvert l'enveloppe qui était scellée ce matin. Exactement. Je n'ai pas accès aux questions depuis tout le temps. C'est Yago qui t'a tout donné. N'importe quoi. Non, mais vous supportez pas qu'on puisse pas tricher, c'est tout. Nous sommes de belles personnes ici. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas notre genre de faire ça. Ouais, et puis on triche pas, on n'aime pas du tout ça. Et de toute façon, Randall sur le Mumble dit « J'adore entendre râler Draven ». Tiens donc. Ouais. Quel drôle d'idée. Ok. Bon, les amis, si on se détendait un petit peu pour le blind test musical. Ah oui, on va se détendre. Oui. Ouais. C'est toujours un point. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je vous connais tous, je vous connais. Vous aimez la drum step et les remix drum and bass. Oui. Ah, bah, alors là, oui. Grave. Tellement. Mais grave. J'ai donc avec moi 12 J'aime morceaux. J'aime bien le futur garage aussi, c'est pas mal. Ah oui. J'ai donc avec moi 12 morceaux de thèmes de films remixés version drum step. Oh, ça me plaît ça. Ça te plaît ? Ça va être bon ça. Alors, attends, la seule règle étant de donner le nom de l'équipe avant de répondre. Soit le nom de l'équipe, soit votre pseudo. Ça marche aussi, quoi. Ok. D'accord. On va dire compère. Ouais, compère. Si, ouais. Compère, ou peu importe. Si j'entends pépé, ça ne me dérangera pas. D'accord. Si vous donnez une réponse à quelle est fausse, vous ne pouvez pas répondre. C'est forcément à l'équipe adverse de répondre. Et comme ça va continuer comme ça. Mais honnêtement, je pense que ça devrait aller très très vite. D'accord. Oh putain. D'accord. T'as la pression. Trop de pression. Draven, t'es en train de passer un sale moment, je suis désolé. Et Pépé, on te demande sur le Mumble de pas oui, de. Oui, je ferai des zbouis-bouis avec plaisir. Zbouis-bouis. D'accord. Excellent. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier morceau? Allez, on est prêts. Oui. Allez, attention, c'est parti. Compère. J'entends pas. Vas-y. Vas-y. Compère. Il faut donner le nom du film ou oui, du... le film, oui. Chariots of... Bah non. Corleone. Batman. Ouais. C'est bah une très bonne réponse. C'est au Batman. Au début, ça commençait comme Chariots of Fire. Est-ce que si j'augmente un tout petit peu la musique, ça vous dérange dans ce moment? Non. Non. Non. Non, non, vas-y. Parce que je... littéralement, j'entends rien du tout. Ah ouais. Ouais. Gênant. Ouais. Bah un peu. Faudra crier. Mm. Putain, c'est infâme, par contre. Ça a l'air horrible. C'est très déstabilisant. J'aime bien. Mais j'aime bien. Et j'aime plutôt, parce que j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on passe au deuxième? Donc c'est une bonne réponse pour, j'avais dit Corleone, c'est ça. Ouais. Yes. Allez, deuxième morceau. Compère. Oui. Ah bah non, c'est pas ça. Mais bon, Jurassic Park, mais c'est pas ça. Non. Donc c'est forcément l'équipe Corleone. Merde, je connais ça. Je connais. Bah oui, oui, Corleone, bien sûr. Rencontre du troisième type. Exactement. Et oui. Très bonne réponse. Ouais, j'avoue. Ouais. Facile. Ah, c'est dégueulasse. Alors, je vais dire que moi, j'aime assez bien. Non. Bon. Est-ce que vous voulez le troisième morceau? Avec plaisir. S'il te plaît. Allez. Je le lance. Corleone. Oui. E.T. Non. Non. Ouais, mais je pensais à ça aussi. Attends. Ah. Donc c'est forcément au compère. Merde. Ah non. Compère. Compère, ouais. Merci. Police Academy. Non. Ah mais non, c'était... Donc c'est à l'équipe Corleone. Ça y est, je l'ai. Ah ouais. Putain, je connais et je sais que ça va me faire du mal. C'est horrible. Une idée, Yannick? Ouais, j'ai une idée, mais enfin, je connais, mais j'arrive plus à remettre un nom dessus. C'est un film de SF, je suis sûr. On sait pas. C'est peut-être un film français. Mais... non. Ils ont mis des moyens dans la vie. Putain, je connais ce thème, merde. C'est infâme ce remix. Ça va être la fin de la musique. Je vais devoir donner la parole à l'équipe adverse si vous l'avez pas. Non. Allez, Bah, j'en tente un. Vas-y. Putain, je suis vraiment pas sûr. Independence Day. C'est une bonne réponse. C'était bien. Independence Day. Putain, j'avais un gros doute. Je me disais, mais non. Ils sont venus. Ça. On est ex-aequo. Ouais. Vous êtes ex-aequo. Ah, j'étais persuadé que c'était Police Academy à moi. Alors, on passe au prochain morceau. Compère. Terminator. Non. Non. Non, c'est... Putain, j'ai des doutes, c'est horrible. Donc, c'est ces remixes de merde. Ça me fait... C'est... Predator. J'ai peur de le dire. Ouais, c'est Predator, on est d'accord. Bonne réponse. Ouais, bien. Ouais, Predator. Oui. J'avais pas. Okay. Allez, prochain morceau. Ça me déstabilise complètement. C'est la dubstep. C'est étonnant, hein. Ouais, c'est la dubstep. C'est la dubstep, ouais. Tu sais jamais si c'est vraiment le bon début du morceau. Oui, ouais. Exactement. Allez, prochain morceau. Compère. Bah, E.T. C'est une bonne réponse, ah c'était bien E.T. Ah la vache, mais oui. Ouais. Oh, c'est E.T. qui a pris des acides. Ah ouais, mais là, lui, il est complètement perché, là. C'est vrai, c'est incroyable. Hein. Laisse un petit peu, qu'est-ce que c'est bien. Laisse un petit peu, qu'est-ce que c'est bien. Prochain morceau. maintenant. Compère. Ok, oui. Ah, Corleone. Les dents de la mer. C'est, ah oui. C'est effectivement les dents de la mer. Oui. Ah oui. Et nous revoilà en force. Heureusement, c'est la musique qui n'aidait pas. C'était juste oui, la réplique au début. Bah ouais, carrément. Mais c'est quoi ces musiques de dingue que t'as trouvées, quoi? Alors, c'est un monsieur youtubeur qui s'appelle J30K. D'accord, ouais, non, mais c'est pas la peine de faire sa pub non plus. Hein. Je piquerai l'idée pour un prochain blind test. Pas de soucis. Ah bah, j'ai plein de clients de données. Je me suis éclaté. On peut mettre la suivante. Moi, je trouve ça cool. Ouais. C'est pas du tout mon style, mais je trouve ça cool. Allez, on passe au prochain morceau. Allez. Ok. Compère ? Interstellar ? Non. Bon. Donc c'est forcément l'équipe Corleone. Mmh, mmh. J'attends le drop. Pareil. Oh, Corleone, ah ouais. Retour vers le futur. Oui. Ah ouais. Bonne réponse. Ah, t'avais prédit qu'on l'aurait, c'est cool. Ah, ça y est, j'ai enfin... Ouais. Oh, c'est horrible quand ouais, même. Non, ouais, c'est atroce. Et on est ex-écho, de nouveau. Ex-écho. Je précise quand même qu'on a des petits soucis de son, donc Fanny n'entend pas énormément les morceaux. Ah, merde. Moins. Donc c'est pas très grave, mais c'est juste pour prévenir les auditeurs. Est-ce qu'on s'écouterait pas le prochain morceau parce que vous adorez là? On y va? Allez. Corleone. Oui. Robocop. C'est une très bonne réponse. Oh, bravo. Il est en colère. Ah, et puis tu l'as eu avant même que le thème commence. Au bout commence. De la 13e question, ça y est, il est énervé. Oh, le drum bien lourdingue. Moi, j'adore. Ouais. Boum, boum. TP, si tu veux faire des zibi, je t'en empêcherai pas. Oui. Pas compliqué. Allez, on s'écoute le prochain morceau maintenant. Oh merde, si je connais. Ah, attends un peu. Compère. Compère. Oui. Star Trek. Exactement. Ouais. Mais oui. Mais oui. C'était bien Star Trek. Particulièrement dégueulasse celui-là. Ouais. Là-haut. Ouais. On en profite pour faire un petit coucou à Rémi Dedé. Et à Docteur. Et au Docteur Zayt, évidemment. Mine de rien, c'est un très bon blind test parce que c'est déstabilisant à mort. Bah, j'aurais pris les musiques originales, ça aurait été tellement, tellement simple et moins rigolo. Est-ce que vous êtes motivé pour le prochain? Allez. Ouais. Allez, c'est parti. Il en reste 3. 1, 2, 3, c'est ça. Allez, c'est parti. Compère. Une histoire sans fin. Non. Allez, j'ai Corleone, Superman. Bah oui. Exactement. Et vous passez en tête. Oui, d'un point. Bien sûr. Et puis, t'aimes toujours bien? Celle-là, pour moi. Bon. Ma préférée, c'était Retour vers le futur. Pour l'instant. Ah oui. Allez, je laisse un petit peu et puis on va s'écouter le prochain. Genre, bah non. Corleone. Histoire sans fin. Non. Ah non. Compère. Oui, le roi lion. Exactement. Oh. Ah ouais. Oui. Ah, j'ai pas entendu ce que t'as dit juste avant comme réponse de Raven. C'était l'histoire sans fin. Ah oui. Je pensais. Mais franchement, ça ressemblait à l'histoire sans fin. J'ai biffé. Vous êtes à 19-19 et on va s'écouter le dernier. Maintenant. Allez. Oh putain, je connais ça. Corleone Star Wars. Oui. Ouais. Quand même. Mais oui. On t'a laissé quand même. Celui-là, il était plus subtil. Ouais, ah oui, subtil pas dans un thème. Ouais, dans ouais. Subtilité. Alors, je crois que ça commence un peu maintenant le thème. C'est déjà plus reconnaissable. Ah, il me semble que c'est la. Vous savez, le Faucon Millenium dans les astéroïdes dans. Ouais, c'est dans l'Empire contre-attaque. Il me semble que c'est ça. Exact. Ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est le champ d'astéroïdes, c'est vrai, ouais. Un bel hommage à John Williams, ce. Personne de réponse. Bah écoutez, c'était la fin de ce petit quiz Blind Test musical. Ouais. Ça vous a plu ? C'était très oui. Bien. Et ben, c'est bien quand ça s'arrête. Ah, oui. Et, bon, oui. Et bon courage pour le montage. C'est clair. Ah bon, je suis habitué à faire des psychos, donc ça devrait aller. Par contre, ouais. J'ai les oreilles qui saignent, moi, maintenant, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est ah normal. Oui, ouais, ouais. Faut peut-être écouter après les vrais morceaux, histoire de remettre tout ça. Très bonne idée, ouais. Ok, donc les compères sont repartis à... Ah non, je me suis trompé. Non. Ça, c'est moi. Pas mal on a les Corléans qui sont à 15, ouais, ouais. Et nous sommes à 5, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça, ah, on n'a qu'un point de retard. Eh bien, c'est la fin du jeu, merci. Ah, c'était un point par chanson. C'était un point par chanson, ouais. Ouais. Ah, c'était dur, ouais, j'avoue. Ah, ouais. Je suis d'accord. Maintenant, on va repartir sur les chansons, les questions. Il y a des gens qui disent que c'est louche. Moi, je dis aussi que c'est louche. C'est pas normal que ce soit les participants qui comptent les points. Ils disent dans le Bibounet qui compte les points, c'est louche. Mais non, c'est pas du tout louche. Je vais demander de faire ça histoire de. D'avoir un backup de points. C'est ça. Ah, voilà. Ah, ouais. Non, il n'y a absolument rien de louche, vraiment. Bon, les auditeurs, effectivement, pourront vérifier. Puisqu'ils ont compté aussi. Je compte aussi. Ah, tu merci vois beaucoup. Ah bah et tu arrives au même total en... Ouais, c'est une bonne ambiance ici. Et du coup, Yannick, t'es au même total que nous? Oui. Ah, tu vois? Ok. Mais je pensais que le blind test total comptait pour un point. Ah bah non. Oh, ça aurait été long pour un petit point. Ah, putain, ouais. Un beau point, je suis d'accord. Mais bon, est-ce que vous... On va peut-être reprendre les questions, s'il vous va. Il reste parti. 11 questions. Ah, avec joie. Ah, oui. Donc, 14-15 pour Corleone. Je vous rappelle qu'il reste un fair play vers Dallas pour l'équipe des compères. Et pour l'équipe Corleone, il reste deux fair play. Un vers Pépé et un vers Bibounette. Oui, demandez-nous. Demandez-nous, posez-nous des questions. Alors, dans la bicyclette bleue, combien de rayons à la roue avant du vélo? Bah 32, c'est évident, voyons. Alors, question numéro 12 pour l'équipe Corleone. Dans À la poursuite du diamant vert de Zemeckis en 1984, Joanne Wilder, pardon, interprétée par Kathleen Turner, doit partir retrouver sa sœur, mais dans quel pays? Est-ce que c'est en Colombie, en Bolivie, au Pérou ou au Brésil? Je suis quasiment sûr qu'il s'agit de la Colombie. Quasi. Est-ce que tu peux répéter quand même pour être histoire de voir ce que Yann en pense? Alors, il y avait la Colombie, la Bolivie, le Pérou ou le Brésil. Ah, j'aime bien la Colombie. Colombie, ouais, moi aussi j'aime bien la Colombie. Ouais. Ouais. Ah, voilà. Vous dites la Colombie alors du coup? C'est une très bonne réponse, c'était bien la Colombie. Facile. Joli. Bien joué. Quel film. C'était un de mes films cultes quand j'étais gamin. Ouais, celui-là, pareil. Je le mettais au boucle. Le diamant du Nil et celui-là, à la poursuite du diamant vert. Ouais. Magique, non? Mastique. Alors, question numéro 12 pour les compères. Tout à fait. À la fin du film Retour vers le futur. Marty McFly. Je crois que tu as dit ça à chaque question que j'ai posée de Raven. Je le dirai pour toi la prochaine fois, t'inquiète pas. Marty McFly interprète durant le bal la célèbre chanson de Chuck Berry, Johnny B. Goode. C'est okay. Vrai. Mais quel est le nom de ce bal? Est-ce que c'est la féerie dansante des magiciennes, la féerie dansante des sorcières, la féerie dansante des sirènes ou la féerie dansante des gorgones? Alors, sans hésiter, la féerie dansante des sirènes. Et je te complète. Ok. Et on valide, bien sûr. C'est une très bonne réponse, si vous voulez dire oui, c'est ça. Et pas des sardines, comme dit la fille de George McFly. C'est vrai. La féerie dansante des sardines. J'avoue, celle-là, elle était plus une affaire rondement menée. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est bon, c'est bon. Elle est passée, mais comme une lettre à la poste, celle-là. Oh putain. Ok. J'avoue. Question numéro 13 pour Corleone. Mm. Dans ses films, lequel n'est pas un film d'Alfred Hitchcock? Ah. Oh la vache, de Draven. Tiens, non. Courage. Donc, lequel n'est pas un film? Les 39 marches, numéro 17, cinquième colonne, encore des chiffres, ou chambre 1408. Oh putain, c'est encore des chiffres. Ouais, c'est que des chiffres. Et genre, il n'y en a que un là-dedans qui n'est pas de Hitchcock. Ouais. C'est ça, ouais. Putain. J'en connais aucun des quatre. Ah merde. Enfin, si, de nom, la cinquième colonne, je connais ce titre, les 39 marches aussi, mais genre, ça n'a rien à voir avec Hitchcock, tout ça, si? Bah, y en a un qui, fait, qui est pas Hitchcock. Un seul, quoi. Il y a un seul, les trois. Moi, j'aurais dit films, aucun, ouais. En fait, tu vois, c'est ça le problème. Il y en a un qui vient d'un bouquin de Stephen King, même. Mm. Alors, je vous rappelle qu'il vous reste deux jokers et peut-être que l'équipe adverse a la réponse. Peut-être. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime la réponse de Randall Flagg sur le Mumble. C'est erreur 404. Ouais. C'est bien, ça, erreur 404. Ah, ouais. Alors, je tiens à préciser que moi, comme je n'ai pas d'ordinateur, je suis la seule de vous trois, là, les autres participants, à ne pas voir ce qui se passe sur le Mumble. Hein. Donc, c'est ça aussi de la triche. Hein. Ah oui. Mmh. Ok. Voilà. Eh ben, tant pis. Le monsieur qui n'est pas content très de ses poliment. Questions. C'est la version plus. Eh ben, tant pis. Bon, peux-tu nous redonner ces fantastiques propositions? Eh bien, évidemment, Draven. Alors, les 39 marches. Ouais. Numéro 17. Cinquième colonne ou chambre 1408. Numéro 17 me semble bizarre comme titre de film. Ouais, moi aussi. Mais il y a un film, non, ça c'est, il y a un film qui s'appelle Numéro 9 aussi. Alors putain, du coup, je sais plus lequel et quoi. Chambre 1408, n'empêche, ça me... Non, c'est du Stephen King, ça. 1408. Ah, 1408. Ça me titille. C'est pas du Stephen King, 14... ça. Ben si, justement, je me demande, c'est pas un film avec comment il s'appelle là, le mec des ailes de l'enfer, Nicolas Cage? Comment il s'appelle? Non, John Malkovich? Non non. Non, celui qui joue le taré. Celui qui a plein de sœurs qui sont dans. Non, plein de celui films, qui là. Joue le flic qui reste au sol en fait. Ah, j'adore cet acteur, il est dans High Fidelity aussi, mais son nom m'échappe tout le temps. Et il a plein de sœurs qui sont dans plein d'autres films. Et oui, et il a ses frangines aussi, qui sont cool aussi. Mais... Mmh. Ouais. Dont une qui est dans La Famille Adams. Ok. Je l'ai pas. Ah, je suis plus là. Okay. Ouais. Putain, mais comment il s'appelle? Merde, c'est Kevin. Ouf. Il s'appelle Kevin, alors déjà. Ça me rappelle rien du tout. Oh, donnez son prénom au moins. Bon, mais des... ouais. Chambre 1408. Après, en tout cas, lui, il a joué dans un film qui s'appelle Chambre quelque chose. Est-ce que c'est 1408? Putain, j'en sais rien. Parce qu'avec. Pourquoi 1408 c'est 1408? Bah, c'est pareil, c'est la même chose. Ah, c'est comme 14... ça qu'on dit dans le Haut-Rhin. 1408. Oui, voilà, c'est exactement pour ça. Et parce que du coup, il y a aussi le numéro de la chambre dans Shining. Alors, ouais, tu me diras, c'est pas la même chose. Enfin, je crois pas. En tout cas, tout ça n'a rien à voir avec Hitchcock à la base. Je pense. Ah, puis c'est pas Kevin en fait, son prénom c'est John. Ah, voilà, Cusack. Voilà. Ça y est. C'est, oui. Avec le bon prénom, ça marche mieux. Ça marche mieux. C'est Kevin Cusack, c'est un cousin éloigné. Ouais. Il doit avoir forcément un cousin qui s'appelle Kevin. Mais il fait pas de cinéma. Hein. Excellent. Non, chambre 1408, c'est, je crois que c'est inspiré de Stephen King, j'irai là-dessus aussi. Ouais, hein. Ouais, t'es sûr de ça? Il n'y a pas Samuel L. Jackson ou un truc comme ça dans ce film-là aussi? Oh la vache, j'en sais rien. Et pourtant, le pire, c'est que je crois que je l'ai vu. En plus. Et il y a super longtemps. Bon, en tout cas, ouais, allez, on va partir là-dessus. Oui, on est confiant. On est confiant. Vous êtes confiant sur ma dernière réponse et vous validez, évidemment. C'est une très bonne réponse. C'était bien. Yes. Chambre 1408. Alors là, chapeau. Hein. Ouais. Mm. Et genre, tous les autres, c'est des films de Hitchcock. Ouais. Exactement. Ouais, c'est putain, ça. La honte. Je savais pas du tout. Okay. Le Maestro. 14h08, c'est un film de 2007 du coup, relativement récent par rapport aux autres, ouais. De Michael Afston avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Ah bah voilà, ah bah on avait tout. Je le savais. Vous aviez tout en fait, oui. Et excellent. Adapté donc d'un roman de Stephen King. Ah ok, bah voilà. Et bah voilà. Super. Donc tu vois, Dragon, c'est pas la peine de râler dès que je commence à poser. Mais je ne râle jamais. Tu ne râles jamais, toi. Non. Excellent. Ah là là. Pépé, on a que 2 points de retard là, faut y aller là. Mais oui, ça va le faire. Allez, zbouille, zbouille, zbouille. Allez, question numéro 13 pour les compères. Au début du film Mad Max Fury Road, pour quelle raison Max, interprété par Tom Hardy, est-il capturé et emprisonné par les War Boys ? Parce qu'il possède les 3 derniers bidons de samplon 95, il connaît la recette de l'eau lyophilisée, parce qu'il est donneur de sang universel ou parce qu'il est médecin, donc il est le seul apte à pratiquer un accouchement. Mmh, il me semble que ça a rapport avec les transfusions de sang. Ouais. Enfin, j'ai des souvenirs de lui avec des transfusions ou avec des tuyaux. Donc je dirais. Il est donneur universel. Répète pour celui du sang. Donneur de sang universel ou il est médecin, donc il peut pratiquer un accouchement. Je dirais donneur de sang. Ouais. Moi je suis péremptoire. Et on valide. Vous validez ? Ouais. C'est une très bonne réponse. Ah. Et... Notez que j'ai pas râlé. Oui. Ouais, mais tu t'es retenu, hein, tu t'es mordu la langue et t'as la bouche en sang. C'est ça. Il y a du sang partout maintenant. C'est dégueulasse. Bon, bref. Je nettoierai après. Et tu verras, Draven, ça va pas aller en s'arrangeant. Ah, merci. Encore des chiffres et des nombres. Ah, là là. Ah non, pas du tout. Alors, question numéro 14 pour l'équipe Corleone. Il va nous demander la réponse dans l'énigme de Will Hunting, là, à un moment, des mathématiques. Ah, ah oui, bah oui. Alors, qui a composé la musique du générique du film Des bronzés font du ski ? Oh putain. Est-ce que c'est Vladimir Cosma, Pierre Bachelet, Michel Berger ou Serge Gainsbourg? Oh la vache. Quelle merde. Oh la vache. Quel merdier. Et là, tu vas nous dire que tu l'as jamais vu, c'est ça? Mais si, mais il y a 20 ans, quand j'étais gosse et tout. Qu'est-ce que vous avez tous avec les bronzés fonds du ski, putain? Moi, je préfère le 3. Que je n'ai pas vu, bien sûr. le pire, c'est que cette histoire de Pierre Bachelet me dit quelque chose, en fait. Est-ce que vous voulez que je répète les propositions, c'est bon? Oui, s'il te plaît. Avec joie. Alors, Vladimir Cosma, Pierre Bachelet, Michel Berger ou Serge Gainsbourg? Je vois pas Berger et Gainsbourg. Non, ouais. Cosma, oui, il en a fait il tellement. Cosma et Pierre Bachelet. Il en a fait tellement. Ouais. C'est clair, ça pourrait, mais... Genre, en fait, la première fois que j'ai entendu Cosma, je me suis dit, bah oui, c'est ça. Puis après, Bachelet, ah, il y a Bachelet qui... Ça me dit quelque chose. Pourquoi ça me dit quelque chose? Est-ce que je confondrais pas avec un truc qui a rien à voir? Genre, je sais pas, Emmanuel, qui a vraiment rien à voir. Je ne sais pas, peut-être. Ah, putain. Ah, au moins, on rigole bien dans cette émission. Mmh. C'est sûr, hein. On entendra Ben râler depuis une heure. Tout enfin, il y en a 3 qui rigolent en tout cas. Le quatrième. Bachelet, Bachelet. Cosma. Pourquoi Bachelet? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas Cosma? Bah, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a 3 chanteurs et un compositeur de musique de film. Très bizarre, ces propositions. Moi, je vois bien que Cosma aurait été rajouté pour nous mettre en défaut. Bah, ça pourrait être aussi Michel Berger aussi, non? Je soupçonne une malice de la part de... Et au fait, équipe adverse, est-ce que vous avez la réponse? Je sais pas. Peut-être. Putain. Merci. Faut utiliser un joker pour connaître cette réponse. Un peu pour ça. Non, vous avez le droit de dire si vous l'avez ou pas, et après de mentir. Ah bah peu moi importe. Je l'ai. Oui, oui. Ouais. D'accord. Toi aussi tu l'as, Pépé. Je pense. Voilà. Ah, gros blanc. Voilà. Gros blanc. Donc vous pouvez utiliser un joker, soit péremptoire. Il reste combien de questions? Soit bipoutette. On est à la 14. Il y en a. Ah ouais, quand même. Il y en a 21 en tout. Il en reste 7 derrière. 6, 7. Il en reste 7 derrière, et il vous reste Corleone 2 jokers. Joker. Ouais. Oui. On peut demander à Pépé. J'ai plus confiance en Pépé quand la malice de Fanny. Ouais. Fanny la malice, c'est bien connu. Et attention, Pépé va vous étonner. Je pense que c'est 100% Vladimir Cosma. Tu penses que okay, c'est 100% Vladimir Cosma. Donc on leur retire un fair play, là, du coup. Oui. Oui, ouais, c'est bon. T'as la vache. Je te rigole pas. Alors, j'attends la réponse de Corleone. Ouais, comme tu veux. Je te laisse décider. Putain, je sais pas pourquoi j'ai Bachelet. Qu'est-ce qui viendrait foutre Bachelet, c'est bien lui qui a fait Emmanuel. Ben ouais, ouais, pour le coup, ça, je suis sûr, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait Emmanuel et les bronzés? C'est un grand écart quand même. C'est très bizarre. C'est très grand bizarre. Au sens c'est figuré. Pas lui qui fait le grand écart. Non. C'est Emmanuel qui fait un grand écart, je crois. Elle au sens propre. Alors. J'ai vraiment un doute monstrueux. Je sais pas, on joue. Comme Yannick. Tu veux. Ce serait le hasard là si je devais choisir donc. Ouais. J'ai envie de dire Bachelet. Je sais pas pourquoi. Mais Pépé sous ses airs de gentil coup, garçon. Il va pas écouter l'avis de Pépé. Non, j'ai aucune confiance. Il va pas écouter l'avis de Pépé. Ah, je sais pas. Non, mais si, en fait, j'ai un doute. Vraiment. Les deux peuvent marcher, mais. Ouais, j'ai envie de jouer et de dire Bachelet. Allez, pour faire genre le cinéphile. Vous dites Bachelet bien. Ouais. Vous validez, c'est une très bonne réponse, c'était bien Pierre Bachelet. Mais bah, encore, tu es une mauvaise personne. J'avais le doute entre 100% entre Cosma et Bachelet, mais je voulais jouer le bluff sur Cosma au cas où. Il a bluffé. Ah, ouais. Joli. Bah, ouais, bien joué. Joué. Okay. Et effectivement, Cosma, ça me disait quelque chose dès que je l'ai entendu. Et après, Bachelet. Après, ouais, je pensais aussi, par exemple, composé par Cosma, mais chanté par peut-être quelqu'un d'autre. Bachelet, ouais, peut-être. C'est aussi, ouais. Mmh. Bah là, ça aurait été cruel. Oh, je ne suis pas comme ça. Non, non. Bon, bah, on s'en sort bien, je suis content. Sous ses airs de gentil garçon, Pépé est redoutable, en fait. Oui, ah, bah, je suis piètre en bleu. Vraiment minable. Ok. Alors, question numéro 14 pour les compères. Laquelle de ces actrices françaises a été une James Bond girl? Ah oui. Juliette Binoche, Michel Bernier, Carole Bouquet il est cool. Ou Josiane Balasco. Alors, la première c'est. Alors, Juliette Binoche, ouais. Michel Bernier, non. Carole Bouquet ou Josiane Balasco. Laquelle a été ? A été. Ok, donc Carole Bouquet sans hésiter. Ouais, Carole Bouquet. Sans hésiter. Sans hésiter. Ouais. Enfin, je dis. Moi... Et je valide oui, parce que je te suis. Ouais, je te suis. Ah, d'accord. Et le tournage a été horrible parce que ça a été beaucoup trop vite. On a suivi toute une émission d'une heure sur James Bond en revenant de week-end. Ouais, ouais. Donc, ils ont parlé de justement, il y avait toute une partie sur les James Bond Girls. Après, je serais incapable de dire dans lequel par contre. Donc, sans hésiter. Vous validez. On valide Carole Bouquet. C'était bien Carole Bouquet dans Rien que pour vos yeux en 1981 avec Roger Moore. Tournage horrible. Ok. Moi, je pensais que tu allais parler d'une autre actrice française justement. Bref. Ah oui, non, elle n'était pas dedans. Ouais, parce qu'il y en a eu quelques autres des Français. Ouais, il y en a eu plein d'autres. Ouais. Ok, pas mal. Alors, on a toujours qu'un point de retard. Question, pas... oui, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Question numéro 15 pour l'équipe Corleone. Ouais. Le. non. Ralban, non, ça va être fait. Comme ça, je pourrais faire ma phrase tranquille. Lequel des destinations finales débute dans un parc d'attractions? Le 1, non. Le 3, le 4 ou le 5? Parce qu'il y en a 5 en plus. Il y en a peut-être même plus, hein, je sais pas. Ah bon? Non, il y en a que 5. C'est pas le 1. C'est pas le 1. C'est pas le 2 parce que c'est ni le 1 ni le 2. Le 2, c'est le camion avec le tronc d'arbre. Ouais. Ouais. Donc c'est 3. Ah, t'as dit quoi? T'as dit 1. 1, 3, 4 ou 5? Le parc d'attraction. Parc d'attraction. Alors, moi, je connais la réponse. Ouais, excuse-moi. Moi, 100%, j'ai la réponse. Ouais, ah, ouais. On sait ce que ça vaut. Là, je fais pas ma maligne, mais vraiment, j'ai la réponse. Si vous voulez utiliser votre fair play, il n'y a pas de souci. Le parc d'attractions, ça me dit quelque chose dans le sens où... Parce que j'ai vu ni le 3, ni le 4, ni le 5, donc c'est cool, hein. Je suis content. Ni le 2 d'ailleurs, mais le 2, je savais que c'était les camions et tout. Bref, mais cette histoire de parc d'attractions me dit quelque chose parce que je sais que les affiches d'un des derniers, ou le 4 ou le 5, je dirais, c'était effectivement un grand 8 ou une connerie comme ça. Ça, c'est peut-être un autre film. C'est peut-être une suite. C'est peut-être pas le même film dont parle Julien. C'est peut-être le 6, parce que s'il y en a eu 6, ça me fout complètement dedans, parce que j'en ai aucune idée, pour le coup, vraiment. Bah, il y a le 6ème qui va pas trop tarder à sortir, ouais. Ah, ouais. Donc il n'existe pas encore. Bah, il est fini de tourner, il va pas tarder à sortir. Mais le truc dont tu parles avec le rallye, là, enfin la course, c'est peut-être un autre. Peut-être avant, peut-être après. Peut-être que c'est dedans. Peut-être que c'est dedans. Ah là là là là. Que de suspense. Dallas, ouais, Dallas, ça te parle pas? Non. Tu parles sûr non. Que c'était pas le 1 et le 2, mais t'as pas mis le 2 dans les... Ouais. Voilà. Ouais. Après, les autres, je m'en souviens plus. Je suis même pas sûr de les avoir tous vus. Va falloir prendre une décision. Va falloir y aller au hasard. Ouais. Prendre une décision ou utiliser un joker. Votre dernier, ça serait dommage, je sais pas. Non, ça nous avancerait à rien sur celui-là. Non. Ouais, non. Non. Je sais pas, j'ai envie de dire le dernier, le 5, genre. Le 5 ça me... Ouais, ça me dit quelque chose, chaud. Des affiches. Mais c'est vraiment. C'est une vague intuition, tu vois, y a pas de certitude. On rappelle, c'est des films que j'ai pas vus. Hein. Ah oui, c'est le thème Draven des films qu'il a vu. J'ai vu que le 1, il y a évidemment super longtemps. Donc voilà. Bon, bah le 5 alors. Allez, j'ai pas go. Mieux. Ouais. Ouais, le 5 validé. Et c'était le 3, je suis désolé. 3, putain. Ah bah, ouais. Voilà, on était morts depuis le début. Okay. Et je crois que le circuit dont tu parles, Draven, c'est le 4. Ah oui Aucune idée. Oh là là, oui. Après, ce genre, cette série de films. J'avoue qu'après avoir vu vaguement le 1, j'ai regardé les synopsis sur Wikipédia. Bon, moi, c'est des films de sieste que je... Ouais. Je trouve pas ça très intéressant. Le début du 2 est très bien. Ouais. Il paraît. Faudrait quand même que je la voie, cette scène. La scène ouais. Elle est magnifique, la scène de l'autoroute. La scène de l'autoroute. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais. Il paraît, ouais. Mais la scène de tous les débuts... Enfin, pas du premier, du deuxième et du troisième, le début du 1, le début du 2 et le début du 3... C'est juste magnifique en fait, parce que c'est pas mal du tout, même le début du parc d'attractions, c'est pas mal. Ok. D'ailleurs, dans le Grand 8. Plus jamais je me mets derrière un camion qui transporte des troncs d'arbres. Mais personne ne plus se jamais. Met derrière un camion qui transporte des troncs d'arbres. T'as jamais remarqué au feu, il est tout seul. Ouais. Sur l'autoroute, il est tout seul le mec. Ouais, c'est vrai. Pépé, on peut se refaire là. Ouais, mais j'ai une idée sur la question qui arrive et je suis pas bien. Pourquoi? Pourquoi t'aurais une idée? Ah oui, tiens, si, ça se trouve, si ça se trouve, il va encore nous faire une question sur les films d'horreur. Il va nous faire une Julienne. Et voilà, j'ai. Bon, bref. Une Julienne, c'est avec des carottes. Histoire de respecter l'équité, tu vois, entre les deux équipes. Eh oui. Peut-être. Mais je suis fan des films d'horreur, donc ça devrait aller. Ah, ouais. Alors, question numéro 15 pour les compères. Mm-hmm. Dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock en 1954. Quel est l'acteur qui interprète L.B. Jeffries qui observe ses voisins de chez lui en fauteuil roulant, ce vilain petit stalker? Ben non. Est-ce que c'est Gary Grant, Henry Fonda, James Stewart ou Gregory Peck? Oh putain. Alors, c'est pas Gregory Peck. C'est... Alors le premier, t'as dit quoi? Gary Grant. Je vais le répéter. Gary Grant, Henry Fonda, James Stewart ou Gregory Peck? C'est pas le 4 et pas le 1. Donc ce serait Henry Fonda. Le 2, Henry Fonda, moi, spontanément, j'aurais dit, bon, bah, 12 hommes en colère. Après, je sais pas, ouais. Je connais pas le reste de ça. Je dirais le 2 et le 3. Non, le 2 et le 3. 3 et le 4. Le 2 non. Et le 3. C'est, donc je dirais Henry Fonda ou James Stewart, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Je te suis, Pépé. Vas-y. Bah, en fait, Henry Fonda, ça me dit rien. Le 4, c'est sûr que ça me dit rien. Après, ouais. Le 2 ou le 3, t'as une petite idée ou pas? Je sèche. Alors, moi, je vous propose la réponse de Randall sur le Mumble, parce que Fanny, tu peux pas le voir, et je suis mort de rire. C'est terrible. Oui, c'est vrai. C'est Stephen Hawking. Bon. Oui, mais tout le temps assis. Bravo, Randall. Elle est superbe. Bravo. Je dirais Stewart. Tu sais quoi, si t'es... C'est un nom qui... Bon, allez, hop, c'est quoi. Mais, moi, je sais, vous avez encore un joker. Moi, je valide ce que dit Pépé. Vous préférez valider maintenant ? Ouais, on va garder James Stewart, ouais. C'est une très bonne... Oh, putain, et bim ah, T'as vu comment il a insisté pour qu'il valide tout de suite ? N'importe quoi. J'avais un souvenir d'un épisode des Simpsons qui reprenait ce concept-là avec Flanders à côté, et j'avais cherché à l'époque. N'importe quoi. C'est pas bien ce que tu fais, Draven, vraiment pas bien. Ok. T'es pas très très fair play quand même. Hein. D'accord. Je vis bien. Ça me va. Ah, et puis, alors, juste pour pinailler un petit peu, est-ce que ce n'est pas Cary Grant et pas Gary Grant ? Ah oui, c'est Cary Grant. Cary. Hein ? Cary Grant. C'est effectivement. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'invalide la question ? Oui. Oui. Non. Ouais, donne-nous le point. Enfin, on l'a déjà, mais un deuxième. En fait, le point, c'est pour nous. D'accord. Oui, bien sûr. Oui. Clairement, oui. Bah, c'est mais à part moche. Ça, tu chipotes pas, quoi. C'est vraiment moche. Bah, c'est pas mon genre. Ouais, tu pinailles pas, tu râles. Puis t'es pas un râleur. Alors, j'ai le jamais. Point là dans la main. Donc, je le pose sur la table, tu viens le chercher. On vous le donne. Oh putain, non. Voilà, mais je touche pas. Vous êtes littéralement l'un et l'autre à l'autre bout de la France. Ouais. En ligne droite. C'est vrai. À vol d'oiseau, c'est tout droit. Trop chiant. Ok. Donc nous sommes ex aequo de nouveau. Vous êtes ex aequo, oui. Oh la vache. Ouais. Ouais. C'est serré, c'est ça. C'est pas longtemps. Non, mais bon. Jusqu'à ce que tu repleures et que tu râles. Et que tu te remordes la bouche et qu'il y ait de nouveau plein de sang qui coule. Alors, question numéro 16 pour l'équipe Corleone. Oui. Que n'a pas fait ou vécu Christopher Lee tout au long de sa carrière et de sa vie. Donc je parle bien de sa carrière et de sa vie, mais pas dans les films, vraiment sa vie personnelle. Il y a moyen que je trouve aussi, ouais. Il n'a jamais assisté à la dernière exécution publique en France. Ah, ça j'avais entendu, oui. J'avais entendu ce qu'il avait vu et pas vu. Ouais. Allez, je vais continuer. Ça il n'a jamais joué dans un groupe de métal. Bah, oui. Il n'a jamais été agent secret pour les services secrets britanniques. C'est donc ta dernière. Il n'a jamais été deuxième au championnat du monde d'échecs en 1966. C'est la dernière. Parce qu'il a assisté à la dernière personne qui a été guillotinée en France. Il fait partie d'un groupe de métal. Et il a été agent. Ouais, ça je savais. Il a fait partie d'un groupe de métal. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, il a sorti un ou deux albums. Quatre. Ah, oui, exact. Quatre. Quatre. Ouais. Ah ouais, la vache. Et notamment des albums métal de Noël, je crois. Oh, oui, et oui, oui, mais c'est ça que j'avais écouté, moi, les chansons de Noël, exact. Ouais, alors, on regarde, ouais. Donc, il a l'exécution, il l'a faite. Ah ouais, ok. Non, mais Donc, vous validez la réponse de Yannick. Eh bien, c'est une très bonne réponse, il n'a jamais été deuxième au championnat du monde d'échecs. Cool. Et donc, Julien, il va falloir que je enlève certaines choses de ce que je suis en train de préparer. Eh bien, je m'en doutais un petit peu que ça arriverait. Et Pépé, tu savais tout ça ? Je le savais parce que dans une émission que je fais, dont je n'ai pas le droit de dire le nom, justement, mon cher PM, collègue de podcast, avait fait une chronique entière sur Christopher Lee. Et voilà, c'est cité, là où il avait cité entendu. Tout ça. Ouais, bah c'est de là que je me suis inspiré un petit peu. C'est pour ça que je pose la question à l'équipe Corleone. Bien joué. Il est malin. Petit podcast qui s'appelle. J'ai le droit de le dire, moi ? Oui. Oui, t'as le droit. Ah, podcast qui s'appelle le Version de travail finale, le péremptoire avec Choutan, Mélanouille, PM. Monsieur Lours. Et Monsieur Lours, voilà. Classe. J'adore ce titre d'ailleurs, j'adore ce nom. VDTFF. Mais nous on a le droit de le dire. Oui, bien sûr, j'ai pas le droit. C'est très bizarre d'ailleurs comme challenge. Sinon j'ai un gage et je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un d'autre qui te le donne, c'est ça en fait ? Je ne sais pas, faudrait qu'on voit. Ça pourrait être marrant quand même qu'un jour il y en ait un de vous qui craque, juste pour voir ce que c'est le gage. On avait essayé avec PM pendant une émission de le faire craquer, mais ouais, non, ça n'avait pas marché du tout. C'est bien PM. Ouais, c'est quand on avait fait un appel à un ami, c'est je bien. Crois. Et ben, les points sont toujours très serrés. C'est, bien, c'est tendu, bien. Hein, je suis stressé. Ouais. Ouais, j'ai les c'est mains. Cool. Question numéro 16 pour les compères. Tout à fait. Dans quel film David Bowie n'a-t-il pas joué ? Oh, ça je sais. Il n'a pas joué dans Le Prestige de Christopher Nolan, dans Zoolander de Ben Stiller, dans Twin Peaks de David Lynch ou dans Les Affranchis de Martin Scorsese. Alors, donc ça peut être un caméo aussi, hein. Alors, pas de souci. Ah, ça peut être un Zoolander, c'est sûr, je crois qu'on voit. Zoolander, il y est. Twin Peaks, sûr. Ouais. Après, et les deux autres, c'est Les Prodiges. Il y a Le Prestige de Nolan ou Les Affranchis de Scorsese. Mais par contre, Les Affranchis de Nolan. Les Affranchis, ça me dit ah, rien. Ah, Les Affranchis, non. Mais le Prestige, ça me dit quelque chose. Les Affranchis, c'est mort. C'est mort, sister. Je pense que c'est mort, Les Affranchis. C'est mort, Les Affranchis. Bah, vine ma mère, c'est mort. Je suis en train de refaire les scènes, là. Ouais. Surtout, pour la petite anecdote, pour éviter cette émission, j'ai regardé Crost et Chroma de Karim Debbache. Et il l'aurait dit. Il a mais fait oui. un épisode spécial sur Les Affranchis, il l'aurait dit. Comme il n'en a pas parlé, même en petit... Même en petite, bah voilà. Ben, je pense qu'il n'y est pas dans Les Affranchis. Donc on valide Les Affranchis. Putain, si ça m'a servi, c'est fou. Allez, attends. On valide Les Affranchis. Il n'apparaît pas dans Les Affranchis. Il n'a jamais joué dans Les Affranchis. Oh, mais oui. Ah ouais. Merci Karim. C'est une très bonne réponse. Vous l'aviez aussi de l'autre côté. Oui, oui, oui. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ouais, aussi. Quand même. Ouais. D'accord. Ah, j'ai peut-être mal fait ma question, mais non. Tant pis. C'est comme ça. Vous êtes repassé à égalité, c'est fou. C'est dingue. Ouais. Et si on est égalité, franchement, on fait comme pendant les Jeux Olympiques, on a une médaille d'or, tout le monde a gagné. Non, j'ai prévu un petit jeu d'égalité. Il y a un petit papier sur la Zoom depuis tout à l'heure où il y a marqué égalité. Ah, ah ouais, il est plié. L'enveloppe attendez, je vais vous faire de l'huissier de justice. Vu la difficulté des questions qu'on a eues, s'il y a match nul, c'est nous qui gagnons. Oh, grave. Mais on complètement. Les mauvais joueurs. Ah, si. Ah, mais tellement. Ouais, mais on aura quand même perdu avec panache, donc ça va. C'est clair. Avec classe. Alors, à une question facile pour vous, Corleone, pour la question 17. Ouais. Dans Inception de Christopher Nolan, comment s'appelle l'objet qui permet de faire la différence entre la réalité, ses propres rêves ou le rêve des autres? Ah, c'est moi qui râle. Est-ce que c'est un emblème, une amulette, un totem ou un raccrocheur? Pff, ça m'énerve les questions aussi faciles. Hop, hop, hop, hop. Bon, je crois tu que... Tu l'as, Jérôme? Il s'agit du totem, je crois, non? Oui, oui. Mmh. On est d'accord. Donc, vous validez totem. Oui. C'est une très bonne très réponse. Très bonne réponse. Nani. Pardon, Fanny. Non, mais s'ils ont toutes les questions faciles. Ah, non, non, non. Oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Non, non. Bah, eh ben, s'ils ont toutes les questions faciles aussi. Inception, je suis fasciné par ce film. À un moment, je l'ai vu, mais des paquets de fois. Ah ouais. Un temps. Ah ouais. En boucle, limite, quoi. Pas en boucle, mais je l'ai vu très souvent, ouais. Et donc, PPS. Moi, je l'ai jamais revu depuis le ciné. Et je sais pas si c'est un film qui est plutôt apprécié. Dans son concept, en tout cas, j'ai l'impression que si, ouais. Et donc, PPS, à la fin, pour toi, il rêve ou il rêve pas? Bah, attends, je vais prendre ma toupie. Ma toupie Beyblade. Attends, je vais prendre mon nom de spinner. Alors juste pour répondre à ta question, il y a eu des gens qui ont essayé de savoir la vraie fin, donner un sens à la avec fin. L'alliance, ouais. Avec l'histoire de l'alliance au doigt. Ouais. Oui, avec et du coup, ça cassait tout le principe du film qui était d'avoir une fin ouverte. Ouais. En fait, c'était ridicule. Ouais. Faut pas casser les fins ouvertes. Non. Comme ça. C'est vrai. Ah bah ouais, c'est comme ça. Ouais. Comme toujours, hein, comme dans tous les films, t'as toujours des petits malins là qui essayent de trouver des réponses. Ah mais la théorie de l'alliance est plutôt, plutôt intelligente. Alors, question numéro 17 pour les compères. Allez, Pépé, on y va là. Dans le film Drive de Nicolas Winding Refn, excusez-moi, en 2011, comment s'appelle le personnage de Ryan Gosling? Est-ce qu'il s'appelle Bernie Rose, Shannon, Standard ou il n'a pas de nom? Bah, il n'a pas de nom, je crois. Bah, il n'a pas de nom. Peut-être, je crois qu'on l'a quasiment dit en même temps, Pépé, en plus. Bah, spontanément, ouais. J'ai jamais su son nom, en tout cas. Donc, je pars du principe qu'il n'en a pas. Bah, tu sais quoi, on reste là-dessus. On valide Moi, je pense que vous devriez réfléchir. Ouais, alors, un petit peu. Réfléchissez. Redonne juste non, les non, trois non, premiers il nous a noms. Tué mais en erreur. Redonne juste les trois premiers noms. Oui. Alors, Bernie Rose. Pas crédible. Shannon. Non. Bah, non. Standard. Ça, c'est dans Lost, Shannon. Ou pas de nom. Non, il n'a pas de nom. Standard, c'est pas le nom d'un personnage dans Hotline Miami qui s'est pas mal inspiré de Drive. Je ne sais pas, Pépé. Je dirais qu'il a pas de nom. Non, il a pas de nom. C'est quoi? On valide. On valide, Pépé. Ouais, je dirais qu'il a pas de nom. On valide, il a pas de nom. C'est une très bonne réponse. Il n'a pas de nom. Oui. Alors, tous les autres, tous les autres noms sont des personnages du film Drive. Okay. Bernie Rose, c'est Albert Brooks. Ah ouais. Shannon, Brian Cranston. Et Standard, c'est Oscar Isaac. Ah. Ok. Vous repassez à égalité. Autant il y a une heure, ça allait. Maintenant, chaque question compte. Ouais. On est de nouveau à égalité. Hein. On est 20 partout, là. Okay. Ouh. Alors... Suspense. Combien reste-t-il de questions, Julien? Il reste, bah, c'est pas compliqué, on est à la 18, il y en a 21. Ouais. Waouh. Wow. Oui. Oui. Question numéro 18 pour les Corleone, pardon. Dans le film Gremlins de Joe Dante en 1984, comment s'appelle le propriétaire de la boutique dans laquelle le père de Billy achète Gizmo? Est-ce qu'il s'appelle Monsieur Lee, Monsieur Yen, Monsieur Wing ou Monsieur Miyagi? Excellent. Ah, très très bien placé. Gremlin X Karate Kid. C'est clair. Ouais. Il faut pas frotter à sticker après minuit. Non. Faut laver, frotter. Non. Mais quoi? Ah oui, pardon. Ouais, non, parce que je m'étais promis de pas faire d'imitation. J'ai dit faut laver, frotter. Oui, d'accord. J'ai pas fait d'imitation. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous les répète? S'il te plaît. Monsieur Lee, Monsieur Yen, Monsieur Wing ou Monsieur Miyagi? Mmh. Il vous reste un fair play pour tic-tac, Bibounette. Tic-tac. Mmh. Ah, en plus, là, s'ils prennent un fair play, ils n'ont pas le choix. Ils comme sont ça. Obligés de le prendre pour moi. Oui. Ils ne peuvent oui. pas prendre Pépé en plus. Ils ont déjà utilisé pour Pépé. Ouais, ah ouais, moi je suis. Ouf, j'étais en train de. J'aime pas du tout ce rire. Comment je vais bluffer? Non, non, c'est bon. Pardon. Je retourne avachi dans mon fauteuil. Je suis tenté par Monsieur Lee. Mm-hmm. Et mais alors si c'est pas ça, j'ai vraiment honte parce que ça c'est un film que je regardais en boucle, en boucle, en boucle quand j'étais gamin parce que c'est le thème de l'émission. Ça a jamais été défini. Mais... Non mais c'est clairement ça, franchement. Monsieur Lee aussi, c'est le premier qui. Ouais. Ouais. Hein. Parce que Monsieur Wing, non. Bouf. Monsieur Ming, et ça fait un peu trop. Flash Gordon. Oui. et c'était quoi l'autre, Monsieur? C'est. Alors, Monsieur Lee, Monsieur Yen, Monsieur Wing. Ah Yen, ouais. Yen. Ah oh, ça fait bizarre Yen. Monsieur Lee. Ouais. À l'époque, je trouve que à l'époque, les Américains ne devaient pas s'embêter quoi. Un Chinois, c'était Lee et basta quoi. J'y vois ouais. bien comme ça. Ça. Ouais, j'avoue. Ouais, ouais. C'est un peu. Non, mais c'est le pire, c'est bourré de préjugés, tout non, ça. Mais c'était mais les années 80 aux États-Unis. Ouais. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, c'est Hollywood. C'est Hollywood. Ah, bah si c'est Hollywood, ça va. Bon, bah si c'est Hollywood, ça va, excusez-moi. Bon, bah, j'ai bien cru que ça allait être raciste deux minutes. Hein. Ouais, putain, je vois le mec, j'entends même sa voix, tout. Ah oui, tout le monde le voit. Mais... Tout le monde entend les trois règles à respecter que personne ne respecte d'ailleurs. Mais genre, est-ce qu'ils disent son nom dans le film? C'est ça, tu vois. Ah, si, ils le disent et on l'entend même encore dans Gremlins 2 parce que je m'en rappelle. Ils y retournent, ouais, exactement. Ah ouais, enfin les. Mais il y a le promoteur quand même qui lui parle. C'est ça. Le promoteur qui lui adresse la parole quand même. Ah merde. Ouais, c'est marrant, j'ai plus ce dialogue-là. C'est fou, hein. Ouais. Avec le temps, tout s'efface. Putain, la violence. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste ouais, sur je pense notre. Qu'il faut rester sur la première idée. Notre ouais. feeling, hein, ouais, Monsieur Lee. Monsieur Allez. Lee, vous validez? Oui. Il s'appelait Monsieur Wing. Oh, merde. Ah. Oui. Ah bah là, je le vois le petit point qui s'envole. Là. Ah la vache! Eh oui. Oh, il reste des questions. Alors, c'est pas pour me la ramener, mais j'ai vu le chroma dessus il y a quelques jours aussi. Non, mais putain! J'ai regardé tous les chromas et il y avait un épisode sur Gremlins. Bien joué, Pépé. Donc, tu avais la réponse, évidemment. Putain, non, monsieur, j'hésitais entre deux. Ah, d'accord. Okay. Le hasard fait bien les choses. Quand même. Oui, c'est bien révisé. C'est bien, Pépé. Pas regarder Bay. Le hasard. L'autre nom de la triche. Oh, mais quel bon joueur, ce Draven, ça fait plaisir. Ok. Je vois le genre, ouais. Je vois le genre. Ok, ok. Ouais. Bah, je crois qu'il reste 3 questions chacun, c'est bien ça. Et oui. Ah bah voilà, oui, oui, tout oui. peut se jouer, tout est décisif maintenant. Enfin, 3 questions, on va déjà faire la question 18 pour les compères. Eh oui. Oui. Ah, il me semble bien. 18 pour les compères, oui, c'est ça. Dans le film Gone Girl de David Fincher. Ah, excellent. Oh, voilà. Très bon film. Amy Elliott Dunne, interprétée par Rosamund Pike, a été, enfant, l'héroïne d'une série de livres à succès. Tout à fait. Portrait d'une fille parfaite à qui tout réussit. Mais comment s'appelle ce livre ? Je te laisse, car je n'ai pas vu le film. Ok. Emily. Est-ce que c'est l'étonnante Amy, la mystérieuse Amy, l'incroyable Amy ou l'épatante Amy ? Oh putain. Ça, ça fait plaisir. Ah, ça, ça fait mal. Mmh. Plaisir parce que enfin, c'est une question difficile. Non, je n'ai pas. Alors, vas-y. Alors, t'as l'épatante, l'incroyable. J'ai l'étonnante, la mystérieuse, l'incroyable et l'épatante. Pépé, tu sais ? Non, j'ai pas vu le film. Ok, donc, alors, je vais juste reprendre les trucs tranquillement. Mmh. Je te les redis. Ouais, je veux bien. L'étonnante Amy, la mystérieuse Amy, l'incroyable Amy ou l'épatante Amy. Cobalt dit la bouleversifiante Amy. Je vais rester sur ma première intuition. Tu me suis de façon Pépé. Ouais, oui, là je te suis. Ouais. Bah, l'incroyable Amy. Tu valides l'incroyable Je Amy. Valide l'incroyable C'était Amy. L'épatante. Ah. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Je suis désolé. Non, c'est pas grave du tout. On est tous ex-aequo encore. Vous êtes tous à égalité. Ouais, ouais. C'est ça. Non, c'est bien. Tout ça n'a compté pour rien. C'était chaud. Voilà. Tout ça n'a pas vraiment, existé. Vraiment pas facile, par contre. Ouais. Ouais, ouais, très ouais, dur, vraiment celle-là. Dur. Le film est génial, par contre. Si ouais, vous ouais, l'avez jamais clairement. Vu, Draven, oui. Si tu l'as pas vu. Non, bah, je fais un 24 FPS dessus, mais... Désolé. C'est pas grave. Alors, question numéro 19 pour l'équipe Corleone. Dans Un jour sans fin de Harold Ramis, en 1993. Ah, là, on discute. Oui. Oui. Quelle est l'heure sur le réveil de Phil Connors tous les matins du jour de la marmotte ? Est-ce que c'est 6h, 6h30, 7h ou 7h30 ? Je sais qu'il arriverait à me foutre le doute. Ouais, je crois que c'est 6h. T'es sûr de ça ? Ouais, parce qu'il y a des fois où on voit genre les trucs qui tournent au ralenti. Je crois qu'on voit 5h59 et après ça passe à 6h. Ouais, il me semble aussi. Ouais. Il me semble aussi. Donc vous validez 6h. Oui. Ouais. Oui, c'est une très bonne réponse, c'était bien 6h. Yes. Heures, ouais. J'étais pas serein. Il va dire 6h30, il va dire 6h30. Il est en train de se taper déjà. Tu sais. Non, très bien. C'est pas grave. Alors, question numéro 19 pour les compères. Allez, on y va, Pépé, on y va. Allez, j'avais celle d'avant, dommage. Oh ah, tu auras peut-être celle-là, c'est une question un peu longue. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ah. Oh, je suis content, là. Ça va. Hermione est détentrice d'un retourneur de temps. Tout une sorte fait. De machine à voyager dans le temps. Tout à fait. En forme de sablier, le principe étant de le retourner un nombre de fois équivalent au nombre d'heures qui doivent être remontées. Tout à fait. Mais à combien est la limite avant que le voyageur soit en danger ? Est-ce que c'est 3 heures, 5 heures, 7 heures ou 9 heures ? Oh putain. Pépé, je te la laisse, celle-là. Ben... Là, Donc on parle vraiment de la limite avant que le voyageur soit en danger. Je vois très bien le principe. Le retourneur ouais. de temps. Mais ouais. la petite règle cachée, là, je... Alors... Attends, répète, il y a 9h. 3h, 5h, 7h et 9h. Je sais pas, compte tenu du film, je dirais bien un truc genre 3h ou 5h. Parce qu'à un moment, à la fin du film, ils doivent retourner en arrière pour aller sauver Sirius. Ils se retrouvent, enfin, ils se voient quand ils sortent de l'espèce de l'arbre, là, la confrontation avec Lupin. Et ça se passe, je sais pas, je dirais en 3h, peut-être. Ouais, mais là, on parle de, du maximum de temps qui met en danger le voyageur. Ça veut dire que le, là, elle remonte effectivement sur 2 heures ou 3 heures. En fait, on les prévient à un moment du film. Oui, je pense que ça doit être McGonagall qui doit leur dire faites attention à ne pas trop l'utiliser parce que sinon... Ouais, mais si tu dépasses... Parce que je sais qu'elle remonte plus que 3 heures. Ah ouais ? Ouais, elle remonte plus que 3 heures dans le temps. Elle remonte beaucoup plus loin. Parce que là, il y a quoi ? Ah, moi, je trouve qu'après, ça fait beaucoup. Il y a 3 heures, 5 heures, 7 heures et 9 heures. Alors, 7 heures et 9 heures, ça fait beaucoup trop, moi, ça, c'est sûr. Moi, je dirais 3 heures, spontanément. Parce que ça correspondrait au moment où ils reviennent et ils refont le parcours, où ils se retrouvent, ils se revoient avec les patronus. Ouais, mais ça, on ne parle pas du temps qu'elle remonte. On parle du temps qu'elle ne, elle se mettrait en danger si elle passe le temps. À mon avis, on a dû lui dire 3 heures, vu que ça remplit le, enfin, c'est la contrainte du livre, tu vois, pour la narration. Ça permet... Parce que si on lui dit retourne 3 heures dans le temps, mais ne dépasse pas 5 heures, ça ne le fait pas trop, je pense. Je dirais que c'est... Bah, moi, en je fait, 3 elle ne peut pas dépasser 5 heures, mais je suis sûre qu'à un moment, elle ne va plus loin que 3 heures de temps de ce qui s'est passé. Ah ouais. Par rapport... Parce qu'elle remonte à plusieurs moments. Hein. Elle remonte quand elle est avec Harry au niveau de chez... Comment il s'appelle ce grand, là, le géant ? Elle remonte plus que 3 heures. Hein, Hagrid. Hagrid. Elle remonte plus que 3 heures. Il va me falloir une réponse, les amis. Moi, je pense que c'est 3 heures. Bon, bah, je te suis, Pépé. Mais maintenant, j'ai un doute, maintenant que tu me suis. Ouais. Mais on parle vraiment de quand elle se met en danger, tu vois. Mmh. Donc, peut-être qu'elle remonte 3 heures, mais elle pourrait remonter 4 heures. Ouais, et mais c'est 5 heures où elle est en danger, tu vois. Après, je pense que dans le livre, 3 heures, c'est vraiment le... Le max. Contrainte de narration, on va dire, pour instiller... Alors, peut-être qu'elle remonte que 3 heures, mais elle se met en danger au-delà de 5 heures. Ouais, mais il n'y aurait pas grand-chose à le dire, en fait, dans le film. Bah, ce serait une des règles à respecter, quoi. Ouais, mais si on dit la règle, il faut qu'elle soit bafouée, tu vois. Et moi, je n'ai pas souvenir qu'il parle de 5 heures dans le temps, qu'il y avait 5 heures dans le temps. Je crois que c'est plus 3 heures. Alors, je me permets de demander à l'équipe Corleone si eux ont la réponse. Les je autres, me permets de trop. Demander à Yannick s'il a la réponse. Bien entendu, oui. C'est vrai. Oui, voilà. Les autres, c'est trop en termes de... Enfin, c'est en termes de... Pour le bouquin, c'est pas intéressant. Je pense que moi, je dirais 3 heures. Bah, je te suis, Pépé. Ouais. Ouais. C'est ce qui me vient tout de suite en tête. Bah, je te on suis. Valide 3 heures. On valide 3 heures. Valider 3 heures. Ouais. Eh bien, c'était 5 heures. Ah putain. Ouais. Ah, vous auriez dû me demander. Mais oui. Ouais. Désolé. J'avoue. Non, mais c'est pour ça que j'insistais sur le fait de la mise en danger. Parce que je sais qu'elle remonte plus que 3, mais elle va jamais au-delà de. Mais après moi, je suis d'accord avec toi. J'ai aucun souvenir en fait dans le bouquin de la limite des 5 heures en fait. Donc pour moi c'est toujours 3 heures avant, des trucs comme ça. Donc je me disais que la contrainte serait de 3 heures aussi parce que bah c'est là qu'il y a la tension, tu vois. Mais Pépé, je crois que tu as raison, mais c'est 5 heures la limite, mais il remonte de 5 heures. C'est-à-dire qu'en fait je pense que tu as raison dans ton raisonnement, sauf qu'au lieu de la limite 3 heures et il remonte de 3 heures, je crois que la limite c'est 5 et il remonte de 5. Ils vont à la limite. Ouais, elle va à la limite, mais la limite c'était 5. D'accord. Mince. C'est pas grave, Pépé, c'est pour l'incroyable Amy. Bah, c'est pas grave, ça commence à devenir inquiétant un petit peu quand même là maintenant. Hein. Pas évident. Bon, ils ont qu'un point d'avance, c'est tout. Hein. C'est vrai. Et il reste deux questions. Par pour ça, je la ramène pas trop. Oui. On sait jamais. Il s'est bouffé tous les ongles, mais ça va. Oui. Question numéro 20 pour l'équipe Corleone. Dans Demolition Man, encore à combien s'élève l'infraction au code de moralité du langage ? Ah, des chiffres. Est-ce que c'est un crédit ? C'est 3 heures. 2 crédits, 5 crédits ou 10 crédits ? Tu pouvais pas me demander le nombre de coquillages. Ouais, c'est ça. Il y a manque, non. Trop facile. Bien sûr celle-là. Que non. Donc je Tu peux, hein, tu peux répéter. Bien sûr, à combien s'élève le code de moralité du langage en crédit ? 1, 2, 5 ou 10 ? Putain, la merde. J'hésite entre 1 et 5. Si vous vous rappelez la phrase qui passe en boucle pendant tout le film, comme oui, ça. Bah oui, de la machine. John Spartan, vous avez une amende de 1 crédit pour atteinte au code de moralité du langage. Et ben voilà. 1 ou 5, non mais je sais pas, c'est 1 ou 5 en fait. Je trouve dans la sonorité de la phrase que j'ai dans la tête, 5 crédits ou 1 crédit, ça, c'est fluide, tu vois. Les deux marchent. Mm-hmm. Je sais. 2 et 10 marchent pas. Mais peut-être que si. On n'a même rien besoin de dire, il se met le suspense tout seul, la pression tout seul. Non, je sais pas, Yannick, une idée. Limite, j'hésite entre 1 et 10. 10 crédits, 1 crédit. Ah ouais, 1 et 10. Au départ, j'aurais dit 1. Sans réponse, j'aurais dit 1. Mais avec les 4, ça met le. Alors, je vous rappelle qu'il reste 2 questions pour vous. Et il vous reste un fair play vers Bibounette. Oui, alors, pour ce que ça vaut. On reste poli quand même. Hein. On reste poli, monsieur. Ok. Est-ce que tu connais la réponse, Bibounette? Certainement. Moi, je dirais un crédit. Un crédit, ça me parle un crédit. Peu. Un crédit. C'est ce que j'aurais dit. C'est sans les 4, c'est ce que j'aurais dit. Un crédit. Vous avez un crédit d'amende pour ça. Un crédit par amende. Ouais. J'irais bien sur 1. Ouais, étant donné que c'est celui sur lequel on est d'accord. Oui. Je dis pourquoi la première pas. Impression. Ça nous a porté chance, les premières impressions. C'est pas la bonne. On ne demande pas à Bibounette, du coup. Non. Non, on lui demandera pour la dernière, parce que comme ça, voilà. Pour ouais, la dernière. Pour la dernière. Mais celle-là, non, non. Ok. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Un crédit? Un crédit. Allez, un crédit. On joue. Vous l'avez dit, un crédit. Et c'est effectivement un crédit. Ah, joli. Yes. Bonne réponse. Bon, là, Pépé, on a la pression, ouais, là. J'aurais parce dit que... un ou cinq, de toute façon. On a la pression, là. Ouais. Ouais, là, ça devient très compliqué. Ouais, là, mais après, ouais. Ça va. Comme on se prend pas une grosse déculottée. Non, voilà. Ouais, j'avoue. Et puis en même temps, on essaye aussi de faire gagner Draven pour pas qu'il se tape la honte. Quoi. C'est un peu son boulot, le cinéma, tout ça. Excellent. C'est trop gentil. Bah, je t'en prie. En plus, sur des films que t'as pas vus. Bah, j'avoue que c'est quand même violent comme expérience. Mais bon, heureusement, il y en a 2-3 que j'ai vus. Allez, on est prêt. Numéro 20 pour les compères. Allez. Dans Jurassic Park. Ah. Oh, la vache, quand même. John Hammond est le PDG d'une puissante compagnie de biotechnologie créée en 1970. Tout à fait. Mais quel est son nom? Est-ce que c'est Biotech, InGen, OCP ou Isla Sornatech? Alors, sans hésiter, c'est InGen. InGen. Bon, ça va, on l'a dit en même temps. Et on valide. Donc on valide. Vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs, les enfants? Vous avez encore un joker, hein? Ouais, c'est non, clair. Non, on valide et je fais même déjà le petit point, tu sais, regarde. Tu vois, je suis déjà en train de faire mon bâton, tu vois. C'est effectivement InGen. Bah oui, c'est effectivement InGen. Oui. C'est InGen. Alors, Biotech, c'est une entreprise de biotechnologie rennaise. OCP, oui, c'est dans c'est Robocop. Robocop. Oui. Et Isla Sorna, c'est juste simplement la deuxième île dans Le Monde Perdu. Voilà. Ouais, c'est le nom de l'île, ouais. C'est ça. Bien joué. On remonte, Pépé, on remonte. C'est hyper serré, c'est génial. Qu'un point d'écart. Ouais. Bah, la si pression, se foire, en fait. Là, si bah, se ça. Foire, Pépé, on a toutes nos chances. Ne rajoute pas du stress sur moi. Alors, quelle est la marque de la voiture dans Retour vers le futur? Voilà, c'est bon. Une Peugeot. Coccinelle. La Fuego. La Fuego. C'est la dernière question pour les deux équipes. Eh oui. Ouais. Roulement de tambour. Il vous tout reste bien. Un joker. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Cool. Oh ben facile alors. Easy. Question numéro 21 pour l'équipe Corleone. Quel film du MCU, donc univers Marvel, a été le premier film à être nommé pour l'Oscar du meilleur film? Non, oh, putain. Est-ce que... Est-ce que c'est Les Gardiens de la Galaxie, Iron Man 3, Black Panthers ou Doctor Strange? Oscar du meilleur film. Ouais, le premier nommé Oscar du meilleur film. Nommé, hein, je dis pas qu'il l'a remporté. Ouais. À première vue, je dirais Black Panther. Il me semble qu'il y avait eu un, ouais, moi un aussi. Truc là-dessus. Parce que les Il y autres, avait un, ouais, un phénomène là-dessus énorme. Énorme ouais, ouais. Ouais, ouais. J'aimerais connaître tout la vie à fait, de Bibounette. C'est ce que j'allais dire. Donc vous utilisez, je note, le fair play. Absolument. Ok, très bien. Est-ce que je peux réécouter la question, Bibou, s'il vous plaît, les propositions? Alors, quel a été le premier film qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur film, film du MCU? Il y avait Les Gardiens de la Galaxie, Iron Man 3, ouais. Black Panthers ou Doctor Strange? Et tu peux évidemment argumenter. Ah oui, j'aimerais beaucoup. Alors non, j'ai pas envie. Je vais juste me rappeler de qui a été nominé pour le MCU meilleur film. Et je crois que c'est Doctor Strange. Merci beaucoup. Mais de rien. Notre réponse est donc Black Panther. Et c'est une excellente réponse. Oui. Bien joué, bien joué. Je vais quand même poser la dernière question. Bien sûr, on a perdu, je crois c'est bon. Nous aurons la victoire modeste. Ouais. Ah ouais, non, bah j'avoue, c'est quand même méga serré. Ouais, ouais. Ouais. J'avoue, j'avoue. La dernière quand même. On fait la dernière quand même. Ouais. Bah oui. Allez, on pourra même faire le jeu de l'égalité juste, juste pour le comme fun. Ça, si ça peut. Ouais. Si ça vous amuse, hein, écoutez. Question numéro 21 pour les compères. Pour quel seul et unique film Ennio Morricone a reçu l'Oscar de la meilleure musique de film? Est-ce que c'est Le Bon, la Brute et le Truand, Cinéma Paradiso, Le Professionnel ou Les Huit Salopards? Je te laisse, Pépé, si tu veux. Putain. Alors, vas-y, répète. Même la question? Ouais, répète tout. Alors, pour que tout le quiz depuis le début? Oui. Trop bien. Pour quel seul et unique film Ennio Morricone a reçu l'Oscar de la meilleure musique de film? Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, Le Professionnel de George Lautner ou Les Huit Salopards de Tarantino. Et il vous reste un joker. Et il vous reste un joker. Tu sais Pépé quand même, non? Pour Ennio. Ah, Ennio, moi je... Faudrait demander à... À David. À David. Il appelle un ami. Hein. Ouais, bah, sinon, c'est le Bon, la Brute et le Truand. Mm-hmm. Tu penses pas? Alors, Bon, la Brute et le Truand. Les autres, il y a Cinéma Paradiso, c'est ça? Oui. Et le Professionnel. Je pense qu'on peut virer. Ouais. Le Professionnel aussi. On vire. Et voilà. On vire. On vire. Allez, on vire. Ça n'existe plus. Il reste quoi, tu disais? Il nous reste Le Bon, la Brute et le Truand. Et le dernier, c'est quoi, Bibou? Et Les Huit Salopards. Les Huit Salopards de Tarantino, donc non. Ah, Huit Salopards. Pour être ça, hein. Ouais, je reste sur Le Bon, la Brute et le Truand, moi. Moi, je dirais Les Huit Salopards. Mais bon. Merde. Comme on s'est foiré à la dernière question à cause de moi, je suis plus aussi catégorique, tu vois. Celle d'avant, c'était moi. Tu choisis. Bah, Huit Salopards, ça me semblerait. Allez, on bien, laisse Huit Salopards. Parce que la Bon, la Brute et le Truand. Presque. On valide. On valide les Huit Salopards. Allez, on est chaud, là. Vous voulez pas quand même l'avis de Dallas? Il vous reste un... Tu sais quoi, il nous reste... Dallas, qu'est-ce que t'en penses? Merci. Et t'en penses quoi, Dallas? C'est vachement spontané. Attends, donc... viens, on demande à Dallas qui quand même est fan d'Ennio Morricone. Tout à fait, et je peux même vous donner une petite anecdote là-dessus. C'est que... Donc, ce sont donc les Oscars 1967, puisque le film Le Bon, la Brute et le Truand est de 66. Et c'est donc Sergio Leone qui donne l'Oscar à Ennio Morricone. Et donc, quand il est venu au pupitre pour annoncer... Il parle trop, il est en train de nous brain. Je crois qu'il connaît trop son sujet. J'ai un coffret énorme sur Ennio, je suis un fan absolu, c'est mon dieu, mon maître. Et donc, quand Sergio est arrivé au pupitre, il y a eu un brouhaha dans la salle, justement, parce que c'était trop gros, quoi. Que ce soit Sergio qui vienne pour donner à Ennio Morricone l'Oscar, et quand il ouvre l'enveloppe et qu'il dit, bon bah voilà, tout le monde le savait déjà à l'avance. Oh punaise. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur Les Huit Salopards? Vraiment? Là, il arrive, il nous sort sa belle anecdote. Allez, mais viens, on prend mon idée. Quoi? Viens, on prend mon idée. Allez, je te suis. La Brute et le Truand. Ouais. Mais moi, Bibou. Allez. Vas-y, je te suis. On valide Le Bon. Allez. Si je perds, je t'offre une bonne bière. Ah. Voilà. Le Bon, la Brute et le Truand, et on valide. Alors moi, je suis un peu embêté parce que ma réponse, c'est Les Huit Salopards. Et c'est Les Huit Salopards. Oui, ok. Merde. Bien joué. Et oui. Je savais qu'il allait nous brain. Il parlait trop. Sûr. Ah, bien joué, bon, Dallas. Bah, je t'offre une bonne pièce. Tu m'as fait très peur, Dallas, parce que là, j'étais sur Google en train de bidouiller. Je me suis planté dans ma question. Et d'ailleurs, Ennio a eu un Oscar d'honneur avant d'avoir l'Oscar du meilleur compositeur. Voilà, ok. Ouais. C'est marrant, parce que justement, ils allaient lui donner l'Oscar d'honneur parce qu'il ne l'a jamais eu. Et un ou deux ans après, poum, il fait les 8 salopards. Et d'ailleurs, c'est même à se demander s'ils ne l'ont pas lui, ont pas donné exprès un petit peu. Ah, ok. Bon, bah, bien joué Yannick pour l'entourloupe. Pépé, je te dois une bonne bière. Voilà. Il parlait trop, ça se sentait. Il vous reste une question bonus, les compères. Quoi ? Il vous reste une question bonus à vous. Ah bon ? Ah ouais ? Non, je rigole. Draven, il aurait. Non, mais arrête. C'est bon, on a perdu, on sait, arrête de nous humilier. Mais 21 à 23, ça va. Non, c'est pas une humiliation. Ça va, c'est beau. On s'est pas pris une déculottée non plus. Non, le quiz musical nous a permis de. C'est là-dessus. De remonter. Ouais. Ouais. Ouais, d'égaliser. Et puis après c'était tendu jusqu'à la fin. C'était bien. Franchement. Est-ce qu'on se ferait pas, quand même, pour faire honneur à Julien, le petit truc égalité, quand même ? Oh bah oui, ouais, qu'il n'ait pas travaillé pour rien. Bah ouais, déjà qu'il a. Bah c'est ça. Ah oui, ok. Très bien. Bon, c'est pas. J'ai pas fourni un travail énorme sur cette dernière question. Question bonus. Je vais vous donner le nom d'un réalisateur. Et vous allez devoir, à tour de rôle, donc plutôt équipe par équipe, pas personne par personne, donner le nom d'un film. On va dire que je vais compter, allez, 3, 4 secondes, 5, grand maximum, vraiment grand maximum. Et bah, vous serez éliminé, évidemment, au-delà de 4, 5 secondes. Ah, ça, j'aime bien, ça. Ouais, ça vient de toi, ça. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour vous. Bon, on va commencer. Bah, c'est l'équipe, tiens, les compères qui commencera. Et je vais vous demander un film, des films de Tim Burton. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Batman. D'accord. Voilà, je pense qu'on a tout donné. Ah, on continue ? Ah, oui, on continue. Tant que... Ah, d'accord, ok. Et maintenant, c'est à l'équipe Corleone. Ah, voilà, on en donne deux et après, eux, ils en donnent d'accord. Deux. Ah, oui, ah, d'accord. Ah, c'est deux par équipe. Ok. Ouais, excusez-moi. Je Batman, le défi. D'accord. Edouard Romain d'Argent. Ok. Twinnie. Ça commence à être long. 4. Oui, je sais. 5. 6. Arrête. Non mais compte pas. Ça m'énerve. Arrête. Putain. Ah Alice. Allez, Alice in Wonderland. De toute façon, il y a plus de... Ouais. Pépé. Ah, c'est moi. Je dirais Mars Attack. Et oui. Corleone. Je vais faire un clin d'œil à un ami, la planète des singes. Ah. On se demande bien qui c'est cet ami. Bah oui. Oui, qui ça peut bien être. La suite d'Alice, dont j'ai perdu le nom, je sais qu'il en a fait deux, mais le deuxième Alice... De l'autre côté du miroir. Alors il me semble que c'est pas Tim Burton. C'est pas Tim Burton qui l'a fait. Je l'ai pas... Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai pas vu dans ses films. Ben... Je crois qu'il était que producteur. Producteur. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Du coup, on a perdu. Ouais. Il restait Pee-wee. Ton petit préféré, Pee-wee, bien sûr. Pee-wee, Beetlejuice. Ed Wood, Sleepy Hollow, Big Fish, Charlie et la chocolaterie, Dark Shadows, Sweeney Todd. Big Eyes. Oui, Big Eyes. Dark Shadows, Dumbo, Miss Peregrine et Frankenweenie. Voilà, Frankenweenie. Mais surtout Pee-wee. Pee-wee. Ce film. Mais je le gardais. Ouais, moi je le gardais exprès. Moi, Pee-wee, je l'ai vu quand j'étais gosse au cinéma. Ouais. J'ai surkiffé. Je savais pas. Ah, tu nous as mis la scène là, justement, où ta sœur a sursauté là. Oui, voilà. Mon père nous avait emmené voir Pee-wee quand on était gamin, parce que c'était vendu comme ça. C'était un film pour les gosses, quoi. Et ma frangine n'a pas du tout kiffé la scène où il y a, je sais plus le nom du personnage, mais qui fait ses yeux gigantesques et tout. Et ma sœur avait un problème avec ça en plus quand on était petit, parce qu'elle a été traumatisée deux fois au cinéma. Une fois par Pee-wee et une fois dans Roger Rabbit à la fin. Bah, quand c'est le... les mêmes yeux en fait, hein, qui sortent ça, des globes oculaires. Ouais. Ah oui. C'est ça. Elle ne supportait pas ça et ça la traumatisait, mais genre elle en faisait des cauchemars et tout. Tu m'étonnes. Mais moi j'adorais. Tu m'étonnes. Excellent. Voilà. Ah, Roger Rabbit. Bon, bah écoutez, c'était une belle partie, une victoire de Corleone. Ouais. Assez serrée, je m'attendais pas à ça. Ouais, super serré. Parfait. Ouais. Après, en tout cas, c'était. Draven, il va retourner dans 24 FPS, il va pavaner là. Oui, j'ai gagné. sur des films que j'ai jamais vus. Pas vraiment, quand même. Parce que c'est pas vraiment le quiz de la gloire pour moi non plus. Hein. En tout cas, c'était bien cool. Bravo. Hein. Oui. Bravo. Oui. Beaucoup de secrets honteux ont été révélés aujourd'hui. Bon, il y avait des questions vraiment pas évidentes, je m'en suis rendu compte au moment à de les poser. Pas quand je les rédigeais. Oui. Ah ouais. Eh oui. C'est très difficile de gérer la difficulté quand on cherche des questions. Ouais, oh, ouais c'est vrai, c'est vrai, tu m'étonnes. En tout cas, déjà, c'était bien joué, tu vois, Pépé, t'avais un peu peur de pas y arriver, ça machin va. Et tout, et bah c'est... au final... Merci Karim Debache. Ouais, bah Karim, merci Karim. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. La grosse pub. Excellent. D'ailleurs, en parlant de pub, on le fait pas trop dans nos podcasts chez Bibou et Bibounette, et je pense que Bibou va être d'accord avec moi. D'habitude, on parle pas trop des autres podcasts et tout, sauf quand il y a des invités, bien sûr, qui eux-mêmes ont des podcasts. Mais là, on voulait quand même faire un petit clin d'œil à deux poditeurs qui ont sorti leur podcast pas longtemps l'un après l'autre. Il y a les commentaires de Gauthier et la mise à jour de Clégo, qui est la mise à jour de son blog qui est sortie. Donc voilà, bienvenue aux poditeurs. Tout récemment, il a sorti ça hier. Donc Clégo et Gauthier, on vous fait un petit coucou et c'est cool de vous lancer dans le podcast. On sera là pour vous suivre. Voilà. Et bienvenue de l'autre côté du micro. En tout cas, merci à vous trois vraiment pour cet après-midi quiz. Merci pour l'invitation. Ouais. Bravo Julien. Ah, c'était chouette. Ouais. Bravo, bravo à tous et bravo, bravo Julien pour les questions. Ouais. C'est vrai que c'était bien salé. C'était bien tordu. Je sais un petit peu à qui je m'adresse. J'allais pas non plus. Bah, tout à l'heure, on parlait de Retour vers le futur, le nom de la voiture ou 88 miles à l'heure. Je peux pas faire des trucs aussi évidents. Faut que je monte un petit peu le niveau quand même. Ouais. T'es monté, quand même, une question comme ça de temps en temps. Mais quand même, une question facile. Le mec ne démord pas. Ouais, mais quand même. peut-être qu'on fera le retour, on sait jamais. Ah ah, peut-être. Peut-être. Je pense qu'il y a dit qu'on peut déjà l'annoncer. Alors, sans annoncer, peut-être les invités comme tu pour veux, l'instant. C'est ton podcast. Ouais, on va pas annoncer les invités, mais on peut déjà annoncer qu'on va faire un match retournant parce qu'il y aura des nouveaux invités. Mais que ça sera toi qui feras ce coup-ci la présentation et la rédaction des questions. D'ailleurs, je vais t'en garder une petite exprès, moment. Rien que pour toi. En souvenir d'aujourd'hui. Ok. Merci Yannick. Ah oui, je compte sur toi. Non, la seule chose qu'on pourra dire, c'est que je serai dans l'équipe de Julien et qu'il y a une équipe adverse. Voilà. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est bien fait pour toi. Et ben voilà. En tout cas, merci beaucoup les amis. Merci Pépé. Merci Draven. Merci écoutez, Yannick. Je vais lancer une petite musique merci de fin parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous adorez la drum and bass. Oui. Oui. Merci à vous d'avoir participé, c'était génial. Et puis à bientôt. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Des bisous. Merci encore. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était super, merci beaucoup. OK, c'est cool. Bonne fin d'après-midi. Ciao. Salut. Allez, salut.